Il est à peine 17h à Montréal, en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai l'immense honneur, l'immense bonheur, l'immense privilège ce soir d'être entouré du fabuleux Fred Savard. Oh oui! Ah, oh mon Dieu, les gens sont très, très heureux, hein? Ah ouais. C'est la première fois que ça arrive, je pense qu'on m'applaudit. Ben oui, c'est à cause de vous, hein? Ah, mais là, on peut continuer vite. Hein? Oui. Il y a Jean-Sébastien Girard aussi. Hey! Il y a Olivier Niquette. Allô. Oui. Évidemment, il y a vous, notre merveilleux public, qui trouvez que la soirée est encore... Wow! Je pense que c'est la meilleure foule depuis le début de la saison. Parce que les déjà. Parce que les gens vous ont applaudi. Parce qu'ils sont là, Parce qu'ils sont déjà là, on les entend beaucoup. C'est vrai, ils sont présents. On les remercie d'ailleurs. Ça nous galvanise. Ah, vraiment? Je suis galvanisé. Oui, d'ailleurs... Hier, il y avait trois fois plus de monde, mais c'était un public de poêle. C'est vrai. Revenez plus. J'en veux plus du monde d'avant. Il y avait un couple de Rouyn-Noranda hier. Hein, dans les, Mais il y aurait-tu resté là? Ah ben oui, Jean-Sébastien Girard, franchement! Ah, bon, mais c'est vrai qu'on a tellement une bonne émission pour vous en ce dimanche quand même. Vous savez que c'était les portes ouvertes à Radio-Canada. Oh. C'est les journées de la culture. Et on a ouvert les portes à Radio-Canada. Ah ouais, hein. C'est rare ces temps-ci que les gens rentrent. Hein, ça sort beaucoup plus que ça rentre. Mais quand même, j'ai même parlé à Renaud Mirois, qui faisait son émission en direct, des couloirs de Radio-Canada. Ouais. Ben, ça avait l'air d'être le party. Ben, j'imagine. Il y avait du monde, il parlait beaucoup. Oui? Oui. Êtes-vous allé tout petit, vous, aux portes ouvertes de Radio-Canada? Non, ben moi, j'habitais au Saguenay. Hein. Il y a très peu de choses ouvertes de Saguenay, au Saguenay, quand même, quand on est petit. Vous êtes allé, j'imagine, vous? Ben, invariablement, chaque année, pour vrai. Ah oui? Oh, oui, j'y allais avec ma mère. Je me souviens d'une fois très marquante, on avait visité les décors des Dames de cœur. On avait visité l'appartement de Véronique O'Neill, ben oui. interprété par Michel Rossignol. Ben oui. Et j'avais vu en primeur, dans un cercueil, Xavier Galarno. C'est pas dans les Dames de cœur, ça? Non, c'était dans l'Héritage. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai appris que Xavier Galarno allait mourir dans l'Héritage de VLB. Ben, c'est parce que quand on a tourné sa mort, parce que je pense que ça dure pendant 2-3 émissions, on le voit dans son cercueil. Il meurt 2-3 émissions? Non, pendant 2-3 émissions, il y a des gens qui vont le voir dans son cercueil. Ah, ben, mais c'est pas le comédien, c'est pas Gilles Pelletier, c'était une statue de cire. Et on a vu la statue de cire dans la maison ouverte de Radio-Canada. Est-ce qu'il se vint cachet quand même? Excellente question. Ben non, mais quand même, il faut poser cette question-là. Bon. T'es grand. Alors, on a un très beau programme pour vous ce soir. On va passer la première heure avec Daniel Brière. On est très content de le recevoir. Oui. On va essayer de ne pas faire de blague plate avec le fait qu'il y a un homonyme joueur de hockey. Ben non, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle, ça. Mais on va quand même y en parler. Sinon, on reçoit l'ancien ministre Sylvain Gaudreau en deuxième heure. Qui n'a pas d'homonyme, lui. Lui? Non, ben, il y en a peut-être. Pas connu, mais on le connaît pas, c'est ça l'histoire. On reçoit également Mehdi Boussaïdan qui vient nous rejoindre pour une nouvelle chronique en deuxième heure. Oui. Et on va avoir l'histoire du burlesque aussi. Oui, Fred Savard fait l'histoire du burlesque. Je profite du fait que malheureusement, M. Latulippe nous a quittés pour faire l'historique de ce type d'humour qui risque de disparaître avec lui également et qui a été marquant au Québec. Vous avez fait quoi? J'allais vous demander si vous aviez passé un gros samedi soir, mais je sais, Fred, que vous avez... en fait, vous êtes un quart marathonien. Je suis un quart marathonien. Oh, je ne vais pas faire comme la presse, parler de ma course, mais je vais le faire. Mais c'était le marathon de Montréal ce matin, oui, vraiment, il faut le savoir. J'ai fait le 10 km, très peu. Oh, moi, je fais ça en dilettant. J'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai rencontré un comédien qui jouait dans Paul-Marie et les enfants, oui. Jean-Sébastien. Il faisait un aujourd'hui. Des enfants qui a rendu vieux aujourd'hui, qui était là, qui courait. J'ai vu également Pierre-Yves McSween, le petit chroniqueur de comptabilité. Là. Ouais, ouais, ouais. Le bigot. Ça court, ces gens-là. Ah, ça court. Et j'ai vu aussi Alain Dubuc. Mais il courait pas. Il accompagnait quelqu'un de sa famille, je pense, qui courait. Et de toute façon, il aurait probablement... Qui sauvait peut-être de lui. Il avait couru. À... Ouais. C'est ça, je pense. De toute façon, il aurait vraiment couru à contresens de tout le monde, évidemment. Et ça a été très... Et je veux souligner, il y avait les gens le long de la piste qui nous encourageaient, puis c'était vraiment le fun. Pour un petit 10 km de rien. Oui, un petit 10, mais quand même. C'est 10 km de plus qu'à peu près tout le monde ici, en passant. Les gens de l'équipe. Non, les gens de l'équipe, les gens de la salle, je ne sais pas. Mais ça fait du bien à l'âme. Moi, souvent, je trouve mes sujets de chronique en courant. Ah, c'est vrai? Oui, alors je vais commencer demi-marathon bientôt. Mais ça, est-ce que c'est nouveau dans la culture, le demi-marathon, le quart de marathon? Il y a plein de mes amis Facebook. On appelle pas ça un quart de marathon. Ben, je me suis inscrit au demi-marathon. C'est quoi ce rêve-là de faire les choses à moitié? Oh. C'est nouveau? C'est vrai? En fait, tu t'inscrivais à un marathon. Je veux faire une demi-affaire. Vous êtes même pas capable de courir de chez vous jusqu'au dépanneur. Je rêve d'animer une demi-émission. Qui a ça comme rêve? Je veux faire une demi-chanson. J'imagine que vous riez également des gens qui ont des migraines parce que c'est une... Ah mon Dieu, la blague plate. Olivier Niquet, est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial, vous? Ben moi, hier, je suis allé faire un tour au mariage de George Clooney, un petit aller-retour, féliciter les tourtereaux. C'est même pas vrai. Ben non, mais je voulais vraiment pas savoir ce que j'ai fait hier soir. Là. J'ai été pogné à cause, dans le parking à cause d'un tata qui était parké en double pendant 15 minutes. Ah. Après ça, j'ai soupé, je me suis couché. Ah. Mais... mais j'ai aussi pour c'est vrai... peut-être pas si pire courir un 10, finalement. Mais pour vrai, je suis allé voir où on était rendu où avec l'histoire de la fille qui s'est fait poser un troisième sein. Ah, vous avez suivi ça un petit peu? Oui, mais ça, c'est pas vrai. Vous avez suivi ça, vous, à la maison, dans le public? Mais on a... Ah, ben oui, il y a plein de gens qui sont pro-trois seins. Mais... ben justement, coup de théâtre, c'était un canular, effectivement. Ben là, allô? C'était un faux sein. Et d'ailleurs, Patrick Lagacé clavarde avec le faux sein sur Facebook depuis. Pour tous les détails, on lira sa chronique dans 3 ans. Ah, mon Dieu. Parce que le sein a beaucoup d'esprit, d'humour et de finesse. C'est ça. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Ben moi, j'ai relu des Mafalda, Jean-Philippe. Je sais que j'en ai brièvement parlé par hasard de Mafalda la semaine dernière, ben ouais. Sans savoir que demain, c'est son anniversaire à quel Mafalda. Quel âge elle a? 50 ans, la petite Mafalda. Elle ne l'est fait pas, hein? Non, mais elle est restée très, très, très petite. C'est ses cheveux grichoux, un peu. Ses cheveux grichoux qui lui donnent cet air de jeunesse. Elle a à peu près 5-6 ans, je pense, depuis à peu près 50 ans. C'est pour les plus jeunes. Dans Watatata, en fait. Hein? Non, c'est plus comme dans aussi Chambre en ville. Ouais, Chambre en ville. Oui. Est-ce que vous avez connu Mafalda, Fred? Oui, j'ai connu Mafalda. Oui, voilà. Alors, pour les plus jeunes, Mafalda, héroïne de bande dessinée créée par Kino, un Argentin. Donc, une petite fille issue de la classe moyenne, extrêmement politisée et prise de justice. Une vision très critique, entre autres, sur le rapport à la mondialisation, au militarisme de la guerre froide. Tout ça dans une petite bande dessinée. Elle rêve de changer le monde. Elle se promène toujours avec un globe terrestre dans les mains, en disant que la société, que le monde est malade. C'est drôle, c'est brillant, c'est costaud. Si vous êtes plus jeune, vous n'avez pas connu Mafalda, je vous invite à la redécouvrir. Et j'avais envie de vous lire ma planche préférée. Je l'ai une planche, ça, c'est quoi? Hein? Mais une planche, c'est, mon Dieu, comment dire? Mais non, la page au complet, mais moi, j'ai juste le terme anglais, une strip. Parce que Mafalda, ce n'était pas des gags complets sur une page, c'était seulement des petites bandes de lettres. Oui, voilà, une petite bande de lettres qui m'avait fait bien rire quand j'étais petit, qui m'avait fait rire encore. Vous avez 4-5 ans, vous aussi, j'imagine? À ce moment-là, oui, j'étais extrêmement précoce. Et c'est de l'humour incisif qui m'avait fait très rire. Alors, on voit Mafalda qui regarde au loin sa mère qui est en train de coudre un petit pantalon. Comme ça se fait souvent en Argentine. Comme ça se fait souvent en Argentine. Ouais. Et là, elle se dit « Ah, pauvre maman, elle se fait du souci parce que demain, je commence à aller à la maternelle. » Elle a peur que cela ne me plaise pas. Donc, toujours dans la deuxième case, elle dit « Vraiment, je pourrais avoir l'élégance d'aller la rassurer en lui disant que j'ai envie d'aller à l'école, à la maternelle, ultimement au lycée, à l'université, etc., etc. » Finalement, dans la dernière case, elle va rejoindre sa mère et lui dit « Tu sais, maman, j'ai vraiment envie d'aller à la maternelle et d'étudier beaucoup. Comme ça, plus tard, je ne deviendrai pas une femme frustrée et médiocre comme toi. » Et là, elle sort dans le dernier carré. Elle dit « Ça fait beaucoup de plaisir de réconforter sa maman. » Alors voilà. Mais mon Dieu, ça ne se garachera pas pour acheter le livre. Hein? La BD à la radio. Tout ce que je trouve drôle est là aujourd'hui. Et ce que j'ai surtout découvert, c'est que c'était demeuré extrêmement percutant et pertinent, même si c'était bien ancré dans l'époque, dans le lieu, l'Argentine, etc. Ça demeure très actuel parce qu'elle parle beaucoup de guerre, de corruption, d'environnement. Elle était très, très, très verte, Mafalda. Alors le jeune, lâche ton Game Boy et va t'acheter un Mafalda. C'est un bel appel, ça. Merci, Jean-Sébastien. Si les gens veulent nous rejoindre, Olivier, on fait quoi? Ben, ils vont sur notre site radio-canada.ca/la soirée. C'est là qu'ils pourront réserver pour assister à l'émission au Elm au 273. C'est encore plein ce soir. Hein? Oui. Redites l'adresse, excusez-moi. Là. 273 Bernard West à Montréal. D'accord. On est aussi sur twitter.com/la soirée, facebook.com/la soirée est encore jeune et vous pouvez nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca. Et notre question du jour aujourd'hui est la suivante. Les pharmacies Jean Coutu aimeraient avoir la responsabilité des nouvelles super cliniques promises par les libéraux. Mm-hmm. Selon vous, quelle autre entreprise pourrait gérer nos cliniques et pourquoi? Ah, et moins c'est drôle cette semaine. Hein? Non, mais les réponses sont bonnes. Ah oui? Ah, ouais. OK, on va avoir ça en début de deuxième heure. Mais si vous avez des bonnes réponses, vous nous écrivez. Mais avant tout, avant de poursuivre à d'autres choses, là, on va aller à notre salle de nouvelles portatives. Pour... Fred Savard, le Gilles Goujon de sa génération. C'est une surprise à chaque fois. Hein. C'est le moment que je préfère dans l'émission. Gilles Goujon, on n'a pas tous la carrière qu'on veut. Le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, on apprenait ça, pourrait procéder à des coupes de 1 milliard en éducation. Oui, après la santé, une réforme majeure pourrait toucher également l'éducation. Évidemment, plusieurs personnes craignent de nombreuses mises à pied, et pas juste en éducation, mais aussi au sein de la commission de la révision des programmes qui n'aura plus rien à reviser bientôt si tout continue comme ça. Il était supposé de prendre plusieurs mois pour faire ça et paf! C'est on coupe partout. Terrible. Hein? Ouais. Et c'est pas fini parce que le gouvernement libéral étudie des façons de taxer le marché de la vente de matériel usagé. Puis ça, c'est pas des blagues. Hein? Oui, les sites comme Kijiji ont généré l'an dernier des ventes de 130 millions de dollars et Revenu Québec aimerait percevoir une taxe là-dessus Monsieur Couillard, franchement, là, chapeau haut! Hein? Ouais, ouais. Voilà une façon originale et créative du gouvernement pour générer des revenus, retaxer ce qui a déjà été taxé. Il ben, faut trouver des nouvelles sources de revenus, Fred. Hein, oui, apparemment, mais là, il s'est tombé ce matin. Revenu Québec sera en négociation avec les enfants qui perdent leurs dents pour qu'ils versent 12 % de ce que leur laisse la fée des dents. Il y a beaucoup d'argent à faire là. Hein. Ben, une molaire, c'est 4-5 $ aujourd'hui. Oh, oui, facile. Puis il y a beaucoup de dents dans ces petites bouches-là. Souvent trop. Pendant ça, il paraît que le gouvernement Couillard doit maintenant se défendre de favoritisme, c'est vrai ça? Oui, c'est ce qu'on apprenait. En fait, on apprenait que la sœur de Carlos Letao a été embauchée comme réceptionniste au bureau du ministre de l'Éducation, Yves Bolduc. L'opposition a tenté d'attaquer le gouvernement là-dessus, mais on doit quand même avouer que travailler pour Yves Bolduc est loin d'être du favoritisme. Plus comme une peine. On la plaint. On parle d'austérité et pourtant, l'étoile du gouvernement Couillard ne pâlit pas. Oui, en fait, c'est ce que titrait la presse. L'étoile du gouvernement ne pâlit pas malgré le fait que, selon le sondage CROP, le taux de satisfaction envers le gouvernement n'est que de 43%. Seulement 43%? 43%. Même la satisfaction souffre d'austérité, Jean-Philippe. Les 70% d'autrefois sont maintenant 43% à cause des coupures. Ah, il faut économiser partout. Et, oui. Et on parle encore, évidemment, que le premier ministre Harper était absent du sommet sur le climat à l'ONU. Oui, de passage à New York, Harper a cru bon de ne pas se présenter à cet important sommet parce que le Canada est déjà un leader en changement climatique, selon lui. Il faut lui donner raison là-dessus. Le Canada travaille très fort pour que le climat change, effectivement. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Oh oui. La météo. C'est vrai qu'avec ça, vous allez avoir... c'est beau, ça. C'est beau. Franchement, ouais. Les gens, ils apprécient. Les gens, ça. Ouais. Les gens m'en parlent beaucoup dans la rue. Voulez-vous que je vous dise, c'est votre meilleur segment, Jean-Sébastien ouais. Girard. C'est vrai? Votre meilleur. Mais après... avec une interprétation comme ça, il va être membre de la Guilde des musiciens avant Noël. Ah oui, hein? Ouais, je pense que... il y a de l'argent. Écoutez, hier, j'ai oublié de faire une annonce importante. À la deuxième heure de l'émission, pour la première fois cette saison, une ville canadienne a une température sous le point de congélation. À Iqaluit, il a fait moins 1 hier. Ben voyons donc! C'est la donc. Première fois que ça arrive. Puis vous nous avez... Je pense que c'est important de souligner. Alors, on applaudit les gens d'Iqaluit. Bravo, les gens d'Iqaluit. Qui sont congelés. Il fait maintenant... Aujourd'hui, il fait moins 3 déjà. Oh là là! Alors qu'ici, il fait 43 degrés. Ah, facile, ouais, facile, à Montréal. Facile. C'était très chaud ce matin pour courir. Je ne veux pas revenir sur ma course, là. Vous savez que j'ai couru avec mon Gémeaux hein, dans les mains. Ah oui? Ouais. C'est pour ça que j'ai fait de mauvais temps. Non, c'est ça votre temps. Un ouais, petit peu et bien. On invite les gens à nous écrire pour la circulation. Pour la circulation. On a déjà reçu quelques-unes, je vais vous les lire plus tard. Donc, si c'est bouché quelque part chez vous, vous nous écrivez et on va essayer de le dire pour que ça débouche. Et d'ailleurs, faites à noter, là, ben, évidemment, c'était le marathon. Les rues, théoriquement, sont rouvertes ouais, à Montréal. Mais c'était un cauchemar ce matin. Et je veux le dire, hein, je pense. J'étais obligé d'aller au travail en jogging. Ah mon Dieu, c'était fou. Tellement que c'était barré. Alors, je pense que les rues sont rouvertes. Et oui. Je le dis, je pense, parce que la dernière fois qu'on a eu ce problème, vous savez, il y avait une compétition de vélo à Montréal dimanche le 12 septembre, un truc comme ça. En tout cas, la journée des Gémeaux. Et j'avais annoncé, il était peut-être 5h15, 5h30, que les rues étaient rouvertes, donc il n'y avait pas de problème, circuler. Et le soir, j'étais assis à côté de Patrice Lécuyer qui m'a dit mon sacrement, c'était même pas vrai. Et j'ai failli arriver en retard. Alors, je m'excuse à Patrice Lécuyer. Et s'il y a un autre gala ce soir, ben, juste peut-être prévoir de partir un petit peu plus tôt parce que je peux pas garantir. On n'est pas dans les rues en ce moment, frère. Ben, pas du tout. Ben, c'est ça qui se passe, hein. Ben, ça pourrait survenir plus vite qu'on pense. Hey, vous savez, on a un nouveau segment. Ben, bonne. On a un nouveau segment cette semaine pour débuter notre édition dominicale. Je veux savoir si vous connaissez, messieurs, votre actualité du showbiz québécois cette semaine. En fait, avez-vous lu le 7 jours, la semaine, l'éco-vedette, oui. Toutes ces petites revues-là très intéressantes. Et en fait... Tout le monde dit non, hein, mais tout le monde les lit en secret. C'est sûr. À l'épicerie. Ben oui, mais ouais. C'est pour ça que je pose la question. Moi, je vais chez le médecin, là, je suis en pleine santé, je vais souvent chez le médecin juste pour attendre et lire. Quand je m'appelle, je sors. Ben, vous allez vous amuser dans notre nouveau quiz showbiz. Oh, mon Dieu. Alors évidemment tout le monde peut jouer, les panélistes et les gens à la maison, les gens dans la salle, vous criez les gens à la maison, vous envoyez vos réponses sur Twitter. Je pose une question, ouais. Mais non mais ça concerne l'actualité, ouais. L'actualité ouais. De notre showbiz. Et ben on s'amuse comme ça, il y a beaucoup de points à gagner au fil de ça, hein. Mon respect, mon admiration et plein d'autres trucs, ok? Alors première petit, question. Petit trophée. Oui, ben, première question, tout le monde joue là, hein. Criez, n'hésitez pas. Alors qui a déclaré récemment dans le 7 jours, j'ai toujours été hyper complexé de ne pas être bonne en arts plastiques à l'école, je n'arrivais même pas à dessiner un bonhomme. J'ai donc renoncé au domaine des arts, mais la photographie m'a fait réaliser que j'ai réprimé mon âme d'artiste. Est-ce que c'est Marie-Lou? Non, mais non, franchement. Est-ce que c'est... La photographie, là. La photographie. Une photographe. Julie Perrault? Quelqu'un qui est sur Instagram? J'ai aucune idée, je ne la suis pas sur Instagram. OK, est-ce que c'est quelqu'un donc, qui gagne sa vie maintenant par la photographie? Pas du tout. Est-ce que c'est une comédienne? Non, pas du tout. Une chanteuse? Non plus. Une animatrice? Oui. Une animatrice qu'on aime? Ah ben, je sais pas si vous l'aimez, là, par exemple, c'est large quand même. Une animatrice qui a du talent? À Radio-Canada? Non, pas à Radio-Canada, à TVA. À TVA, à TVA. Une animatrice de Julie Snyder? Non. Attendez, une animatrice... Rémi Malo! Attendez! Rémi Malo! Pardon, on entend que... Ah, il y a notre auditeur Fernand ici qui a dit Sophie Thibault. C'est effectivement Sophie Thibault! Vous savez, Sophie Thibault est une des rares à aimer la photographie et se découvrir un petit talent comme les 800 millions d'abonnés Instagram. Sur Instagram. Et chaque escapade devient l'occasion pour elle d'immortaliser un panorama inédit, un lieu inusité, un moment inoubliable. Wow. Alors, c'est Sophie Thibault qui va bientôt laisser le téléjournal pour s'adonner à la photographie. D'ailleurs, vous avez besoin de photos, vous, pour votre CV, Jean-Sébastien. Oui. Et je pense que Sophie Thibault pourrait en faire. Sur une moto. Alors, cette semaine, vous savez, La Semaine publie chaque semaine, les vedettes se dévoilent sur le web. Vous savez, c'est ces petits, ces petits moments où est-ce qu'on lit les statuts là, qui sont regroupés comme ça. En fait, c'est du remplissage, j'ose dire. Et, ce qu'on fait présentement également. On peut dire ça comme ça. Qui a judicieusement déclaré le 17 septembre dernier sur Facebook... Je me demande si le monstre du Loch Ness va voter oui ou non, évidemment en lien avec le référendum sur l'Écosse. Ah, mais ça, j'ai vu ça passer. Est-ce que c'est quelqu'un parmi nous? Ben non, franchement. Est-ce que c'est une vedette? À sa manière. Est-ce que c'est quelqu'un de TVA? Ben, j'ai l'impression que c'est un va-tout. Hein. Un humoriste. Un humoriste. Ah, un humoriste drôle? Ah, ish! Guy Dantel! Mais il est drôle des fois, il me fait rire des fois. Jean-Thomas Jobin? Non. Daniel Lemire? Non plus, ben franchement, il est pas sur Facebook. Ben il est vieux, non, je pense qu'il doit avoir 44 ans. Un humoriste de 43, est-ce qu'il est trash dans son humour? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est riche? Ah ben mon Dieu, faudrait demander, je sais pas. On a dit François Massicotte dans la salle? Non, pas du tout. Le gars qui anime des émissions, là, sur V, qui met des glaçons dans ses petites culottes. Bond. James Bond. James Bond. Philippe Bond. Non, c'est pas lui non plus. Alors, je vous donne un autre indice. Oui. Je pense qu'il y a une petite teinture. Teinture. Non plus! On dit d'André Sauvé dans la salle, c'est pas ça. Il y a une petite teinture. Je pense qu'il y a une teinture. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà venu à la soirée encore jeune? Je pense que vous l'avez déjà reçu, vous, à la soirée encore jeune. Emmanuel Pilato! Non, c'est Alex Perron! Olivier Nicolas, c'est Alex Perron, tout à fait. Une petite teinture. On est, ben oui, mais une petite teinture. C'est pas tous les humoristes qui ont une petite teinture, franchement. Il y en a qui en ont des grosses. Alors, dans 7 jours cette semaine. Gilles Latulippe. Calmez-vous. C'est de mauvais goût. Là. Ah oui. Mais Olivier était sur toutes les... Alors, dans les le 7 jours cette semaine, Gabrielle des Trois Maisons a déclaré « Je suis tellement fière de moi. Pourquoi a-t-elle... » Elle a obtenu son diplôme de secondaire 5. Oui! Mon Dieu, la bonne réponse! Fred Savard! Ben, c'est parce qu'on l'a eu en même temps. Le diplôme. On avait une petite fête aux Barbies. Oui! Mais comment ça se fait que vous saviez ça, Fred Savard? Ben, c'est parce que j'ai pas le choix de les journaux, moi, pour faire mes bulletins de nouvelles. C'était dans les journaux? Moi, je trouve que c'est un beau modèle. Ben, vous qui n'avez pas de diplôme, vous avez scolaire. Raison. Ben, c'est bon, hein? Est-ce que longtemps qu'elle n'avait pas fait l'actualité, elle. C'est vrai. Gabrielle des Trois Maisons? Oui. Non, mais on fait l'actualité comme on peut. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, c'est effectivement Gabrielle des Trois Maisons qui a reçu son diplôme d'études secondaires à 31 ans. Et ça a été une expérience qui a été, dit-elle, couronnée de succès. Qui est native de Saint-Lin, hein? Arrêtez donc, dans les Laurentides. Et c'est pas toujours facile d'avoir son diplôme d'études secondaires à Saint-Lin. Bon, on en parlera plus tard. Alors, évidemment, je vais pas vous voler votre job, Fred Savard. Oui, allez-y. Mais je pose la question, qui sera en spectacle le 4 octobre au théâtre Hector Charland? Hector Charland, le 4 octobre. Le 4 octobre. C'est vaste. Oui, je sais. Un homme, une femme? C'est un homme. Un chanteur? C'est un chanteur. Mais ça peut être un humoriste? Oui, non, c'est un chanteur. Un chanteur homme. Un chanteur de notre génération? Non. Claude Dubois? Ben oui, comment ça vous savez ça? Ben, il y a notre génération plus Claude Dubois. Ah ouais. Ben oui, en fait, c'est 50 ans de carrière à Claude Dubois. 50 ans. Et il va évidemment interpréter les meilleures chansons de son album Clone. Est-ce que Crystal Miller va être là? Non, je pense pas qu'ils soient en bon terme. Non, ils sont plus ensemble. Non, ils sont plus ensemble. Ben oui, ah non, il est rendu avec... Philippe Berghella. Philippe Berghella. Ouais. Voilà. D'ailleurs, non, mais c'est drôle que t'en parles parce qu'il était assis devant moi à la première d'Emmanuel Bilodeau. Ah, Claude Dubois ou non, Philippe Berguela? Philippe, oui, ils ont ri tout le long. Contrairement à Jean-Sébastien qui n'a pas aimé le spectacle. J'ai détesté. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas vu, c'était pour les vues pas vues. Oui, non, je sais. Alors, une dernière question rapidement parce que c'est vraiment amusant tout ça. Oui. Il fête ses 10 ans de carrière. Déjà? Et le 7 jours dit de lui qu'il serve sur la côte d'amour du public québécois depuis. 10 ans, le petit Jérémy. Non, là, franchement. Non, mais je sais pas. Ah, mais il y a quelqu'un qui a lancé Wilfred. Wilfred, non, mais est-ce que c'est quelqu'un de Star Academy? Alors, oui, c'est quelqu'un de Star Academy. Mais Marie-Mé, un homme ou une femme? Ah, c'est un homme. C'est un homme. Mon Dieu, le petit drapeau, le petit chanteur. C'est Étienne Drapeau! C'est qui, ça? C'est Étienne Drapeau qui est un joueur de hockey. Mais lui, on comprend pas. Il a jamais obtenu de succès depuis Star Academy et il doit sortir un album par année. Ça me fascine. Ah oui, c'est vrai. Mais il a joué... Il y a des gens qui applaudissent déjà. Non, mais il a joué Don Carlos dans Don Juan en 2012 et en 2013 quand même. Et il vient de sortir donc un album qui va pour souligner ses 10 ans de carrière. Si vous voulez l'acheter, c'est disponible dans les meilleurs... on va demander au service de presse. Ouais, de nous en envoyer. Ben merci. Bravo, les gars. Hein, franchement, quel plaisir on a eu. Est-ce que vous avez aimé ça? Parce que, non, vous n'avez pas aimé ça? J'adore ça. Non, mais... Les gens aimaient ça dans le La public. Formule est intéressante, mais il faudrait élargir à l'actualité en général, l'actualité mondiale. Une petite blague sur l'Albanie, ça serait le fun de temps en temps. Ah, ça, c'est vrai, Fred Savard, que vous êtes cultivé. En attendant, présentez notre premier invité. Comédien, auteur, metteur en scène, il est co-directeur du Nouveau Théâtre Expérimental et vient nous présenter sa nouvelle pièce, Le Pain et le Vin. Accueillons M. Daniel Brière! Daniel Brière, merci. Bonsoir. Hey, on est content de vous recevoir, oui. Daniel Brière. Moi aussi, je suis content. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le système là, parce que là, absolument pas. Allons-y, on verra. Ben non, arrêtez là. On a dit au début de l'émission, on fera pas de blague avec le fait que, ben, que vous aviez le même nom qu'un gars qui fait 6 millions par année. Oui, mais il est parti aussi. Oui. Hein? Ça y est, il n'y a plus de confusion, c'est réglé maintenant. Mais est-ce... Parce qu'il y avait une confusion terrible. Hein? Moi, il y a des gens qui m'arrêtaient et me disaient « Très content que tu aies signé pour le Canadien sur la rue. » C'est pas vrai. Oui, ça m'est arrivé. Pour vrai? Oui. Mon Dieu, ils sont bien niaiseux. Je pensais que c'était des jokes, mais c'était pas des jokes. Un petit joueur de quatrième trio, quand même, me semble. J'ai dit, ah oui, fait que c'est plate, vous n'avez pas le même salaire. Hein. Ouais, c'est plate. Mais ouais, ben, c'est pas grave, moi je fais ça pour l'art. C'est ça qui est beau avec c'est l'art, pas c'est l'art. C'est ça qui est beau. Mais voilà. Souvent, par contre, moi je me suis mélangé, c'est hier ou... C'est hier que j'ai dit, on reçoit Benoît Brière demain. Oh non. Non, il est gentil, mais c'est la confusion. Je sais. Ça arrive souvent aussi. Ça m'est arrivé souvent. Il y a des journalistes aussi. Pour vrai? Oui, qui travaillent dans la grande maison aussi. Qui m'ont accueilli en direct en me disant, on a Benoît Brière aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous préfériez être Benoît Brière? Daniel, non, je suis Savant. Très bien avec moi-même. OK, d'accord. On a connu Daniel Brière. En fait, vous êtes dans le métier depuis longtemps, mais on vous a connu vraiment, vraiment avec Les Parents, on le dira hein, quand même. C'est un immense succès. Et c'est encore un immense succès. Vous vous souvenez pas du déclin de l'Empire américain? Ouais, vous étiez pas né, je pense. Vous avez quand même Frenchy de Michel. Ben oui. Hey, c'est pas rien, ça. Ben oui, ça a été un de mes premiers rôles. Ben sinon, mon premier rôle, c'était pas rien. C'est votre premier rôle? Presque. Que vous voulez mentionner, en fait. Non, à vrai dire, j'ai fait un rôle dans un film où on faisait un gros plan sur un short moulant que j'avais. C'est à peu près tout ce que j'ai fait dans ce film-là. Mais est-ce que vous étiez fier de votre moulé? Oui, j'étais content quand même, mais ma mère l'a pas su. C'était quoi, c'était quoi le film? Ça s'appelait « Qui a tiré sur nos histoires d'amour? » Ah! Est-ce que c'était bon? Ah, oui, c'était bon. Il y avait Normand Brathwaite qui jouait dans ça. Est-ce qu'il était en petit short serré aussi? Non, c'était moi qui était en petit short. Mais on a raconté que votre rôle dans le déclin de l'Empire américain vous a un peu nui. Oui. Comment ça vous a nui? Ben, ça me nuit au sens où les gens avaient l'impression que je pouvais faire que ça. Parce que, au fond, j'étais connu comme le petit... le petit niaiseux. Ben non, mais le jeune naïf, ouais. Le jeune homme un peu naïf, puis... Et ça m'a suivi longtemps, finalement. Alors, ça m'a nuit. Et la seule année où je n'ai pas travaillé, c'est après le déclin, parce que tout le monde pensait que je travaillais tout le temps, parce que ça avait gagné un prix. Ben voyons, alors là, personne ne m'appelait. Puis c'est le petit à petit qui m'a appelé. Et j'ai fait de la tournée dans les polyvalentes, à monter des décors, démonter des décors pendant un an. Ouais. Après le déclin de l'Empire américain? Eh oui. Ouais, est-ce que le fait, justement, que vous ayez été un petit peu stigmatisé parce que ce rôle-là, est-ce que c'est un peu ça la réponse quand vous avez joué dans La moitié gauche du frigo? Il y a un petit caméo que vous faites où vous êtes rendu un fonctionnaire, vous travaillez pour le chômage. Exact. Et là, ben, expliquez-nous un peu c'est quoi ce caméo-là. À vrai dire, c'était pas écrit, c'était pas au scénario. Puis quand Philippe est arrivé sur le plateau, il me dit « Ah, il dit, ça te tente-tu, on va essayer quelque chose. » ton personnage, ça pourrait être l'acteur d'Angel Brière, une mise en abîme, une espèce de, ouais. L'acteur qui est là, qui travaille pour le gouvernement, puis depuis le déclin, il n'a rien fait, et puis on va faire un clin d'œil. Finalement, on l'a improvisé, on l'a fait là, puis il l'a gardé, alors c'est un beau clin d'œil, quoi. Ouais, comme Passepartout quand elle se met nue dans le film de Forcier pour casser son image. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Marie Ekel, elle a demandé à Forcier de faire la comtesse de Bâton Rouge. Ouais. Elle dit, je veux briser mon image, et là, elle a les seins nus autour d'une table, ah, oui. Puis il y a quelqu'un qui dit, je vous connais, vous jouez dans Passepartout. Ben voyons donc. Elle fait, oui, ouais. Je m'appelle Marie Lheureux, ça fait 30 ans que je fais jouer des petits Chris à la télé. Ouais. Puis elle dit, maintenant, il n'y en a pas un tabarnak qui veut m'engager, maintenant je vous montre mes boules, engagez-moi. Ouais. On n'a plus jamais revu Marie Ekel après. Moi j'ai vu Passe-Montagne passablement amoché, ouais. Mais il n'y avait pas de caméra, par exemple. Ah! C'est là le tact, hein, de Passe-Montagne. Mais quand même, vous venez de vous présenter la dernière pièce de votre trilogie. Oui. Qui est présenté au NTE, qui a été fondé par Robert Gravel. Oui, après Robert Gravel, Jean-Pierre Ronfard, Anne-Marie Provencher aussi, oui. Et c'est fascinant parce que dans cette trilogie-là, vous racontez un peu l'histoire du Canada et du Québec de 1608, donc la fondation de la ville, jusqu'à 1998. Oui, on a décidé d'arrêter la pièce, au fond, à la crise du verglas. Hein. C'est un moment où tout s'est figé au Québec. Alors, on s'est dit, bon, tiens, tout se cristallise. Alors, on s'est dit, c'est un bon moment pour figer la pièce, arrêter cette histoire-là. Donc, c'est 300 ans d'histoire à travers... on a le premier volet, parce que c'est une trilogie, premier volet, c'était donc à travers le chauffage, l'importance de survivre et de se chauffer. Donc, l'invention du chauffage central en Nouvelle-France. Le deuxième volet, c'était les cours d'eau. L'importance des cours d'eau ici. Et le troisième volet, c'est encore la même période, mais sous l'angle de l'alimentation. Le pain et le vin. Le pain et le vin. L'importance de la culture, l'agriculture et de la survie ici. Mais pourquoi premièrement, c'est une trilogie, donc j'imagine que ça se termine. C'est votre troisième. C'est la fin. Il reste deux semaines. Dépêchez-vous. Mais il y a d'autres choses à raconter, là, que ces trois. Bon, que le chauffage, les rivières et la nourriture. Pourquoi ça a été à trois? Ben parce que c'est un beau chiffre, trois. C'est sûr que ça fait bien une trilogie. Hein? Puis parce qu'on a tendance aussi à vouloir expérimenter et faire des nouvelles choses. Alors, ça fait quand même 3 ans qu'on planche sur ce travail-là, sur l'histoire, cette période-là. Puis on avait envie, déjà, on est dans d'autres projets, puis on s'en va ailleurs. Mais ceci dit, c'est une préoccupation qu'on a au théâtre, au niveau théâtre expérimental, de parler de l'histoire. Ça va revenir. Il y a d'autres projets où on va parler de notre histoire, de qui on est... Et puis, le nouveau théâtre expérimental, on dira ce qu'on voudra, ça n'a pas l'air accessible. Dis de même, le nouveau théâtre expérimental. Nouveau depuis longtemps. Oui, c'est ça, mais expérimental. Mais est-ce que c'est accessible? Ça vous fait peur? Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Honnêtement, ça fait peur à Jean-Philippe, surtout. Pourquoi ça nous amène, vous pensez, à un théâtre hermétique, un théâtre avec beaucoup de nudité? J'imagine qu'un nouveau théâtre expérimental... Avec des mots allemands. Nouveau théâtre expérimental, moi, ça me dit, est-ce une pièce ou est-ce que, je veux dire, il y a des... il y a de la drogue, il y a beaucoup de choses. Tu sais, non mais pourquoi s'appeler le nouveau théâtre expérimental? Je suis pas toujours à l'aise de travailler sur cette histoire-là. Je me dis ceci. Ben, c'est vrai que dans les années 70, quand le théâtre expérimental a été fondé, donc avec Jean-Pierre Ronfard, Robert Gravel, il y avait peu de théâtre expérimental. Mm-hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui font des choses qui sont des essais. C'est très expérimental, au fond. On n'est pas les seuls. Mais je pense que ce qui nous distingue, c'est peut-être la façon de faire. On a une façon, nous, qui nous appartient, à la fois qui on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, ce qui fait que les spectateurs aussi ont beaucoup de plaisir. Et c'est tout sauf ardu, c'est tout sauf didactique, c'est tout sauf plate. C'est vraiment étonnamment. On a beaucoup de plaisir. Et les acteurs qui viennent jouer au NTE sont toujours très heureux et ils acceptent avec beaucoup de bonheur parce qu'ils ont du fun. Bien, je voyais le processus un peu de création de ce théâtre-là et je lisais que le cachet pour les artistes, peu importe le nom qu'on porte, était de 300 $. Oui, bien, on a toujours eu un cachet unique et on donne le maximum. Les êtres humains sont payés le maximum. On met moins dans le décor, moins dans tout ce qui est le matériel. Alors, on dit à tout le monde, on vous donne le maximum et tout le monde est payé le même cachet. Alors, peu importe le nom, là. Peu importe l'âge, peu importe les années d'expérience. Alors, c'est un peu difficile à négocier maintenant avec les agents. Il y a tout un nouveau phénomène qui est les agents maintenant. Oui, ça n'existait pas à une époque, ça. Les maudits. Alors, les maudits agents. Il faut négocier avec eux maintenant. C'est qui votre agent, vous? elle est formidable, Camille Goodwin. Ah, vous la connaissez? Ah, voilà, oui, les maudits Goodwin. dans votre dernière pièce, il y a un personnage qui est le personnage de Jehanne Benoît. Oui. On connaît tous Joanne Benoît. Ben oui, ben oui. C'est qui Joanne Benoît, Fred Savard? C'est une grande pionnière, en fait, de la culture gastronomique québécoise, qui, en fait, qui a tout rassemblé dans son livre, son fameux livre La cuisine québécoise. Et, tout à fait, oui, oui. Et l'encyclopédie. Oui, et ça a été aussi la première à cuisiner au micro-ondes. Oui, pour c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. J'ai ici l'encyclopédie. Parlez dans le micro. Le micro-ondes est arrivé, il fallait que je m'étire, Jean-Philippe, pour prendre le livre. Joanne Benoît, 14 ans de cuisine au micro-ondes. Déjà. Ah, donc, c'est beau, ça. Son œuvre. Et quand le micro-ondes est arrivé, pour elle, ça allait révolutionner le monde. On pouvait tout faire cuire au micro-ondes. Regardez, c'est elle vrai, disait hein? À Noël, on fait cuire sa dinde pendant 25 minutes, il n'y avait plus rien qu'on faisait. Moi, je fais un osso buco dans le micro-ondes, mes amis. Ouais. C'est vrai. Moi, je fais l'édition de luxe. C'est oui, quand même. Ah, oui. Écoute, on vous l'offre. Je suis désolé, j'ai dit. Quel honneur! Merci, j'accepte avec plaisir. Et c'est Daniel Proulx qui joue Joanne Benoît là-dedans. Ouais. Mais quelle place a Joanne Benoît dans une histoire de 300 ans? Ben, à vrai dire, il y a des personnages célèbres, des personnages historiques. On voit Champlain, on voit Brébeuf, le père l'Allemand. On voit aussi... Qui ont servi de repas aussi, eux. Oui, qui ont servi... Ben, tout à fait, qui ont été cuisinés, oui, qui ont été ça. Mangés allègrement. Mais Joanne Benoît, c'est vrai qu'elle a été importante parce que je pense qu'elle avait des connaissances exceptionnelles en cuisine. Oui. C'est quelqu'un qui a expérimenté la cuisine moléculaire à une époque où ce n'était pas en mode. Et c'est un personnage important et c'est quelqu'un de très touchant aussi. Oui. On en a fait un très beau personnage. Daniel est formidable. Alors, elle est présente et elle vient nous faire quelques démonstrations de cuisine, un peu comme une émission culinaire, comme on fait à la télé. Alors, elle vient nous raconter, par exemple, la bataille des plaines d'Abraham en faisant un plat qui est la soupe, le potage mêlé ou la victory soup en anglais. Alors, dépendamment du point de vue. Alors, elle nous fait des recettes comme ça, mais elle parle d'histoire à travers les recettes. Elle cuisine l'écureuil? Ah, c'est une bonne question. Dans l'encyclopédie de Jean-Benoît, il y a une recette d'un ragoût d'écureuil. Ah, mon Dieu! Martin Picard n'a rien inventé. Mais non! Je pense qu'il s'en est basé. Ouais. Ah, il s'est basé là-dessus. Ça se pète les bretelles. Faut bien faire cuire. Ah, ben, j'imagine. Hein. Et enlever le poil, c'est possible. Pas de tartare. Et ça, c'est ONTA jusqu'à quand? Ben, encore deux semaines, ça veut dire jusqu'à... Il nous reste deux... Il reste deux semaines. Vous avez un site web, toujours? Oui. Vous allez regarder, là, les gens vont se garrocher. Vous allez vous garrocher, toujours bien dans la salle et à la maison. J'entends les gens à la maison dire oui. Vous restez avec nous, Daniel? Avec plaisir. Ah, génial. Merci beaucoup. Merci, Daniel Brière. C'est très gentil, ça. Moi, je m'ennuyais. Je m'ennuyais très fort de mon ami du 1430 AM. Ah, Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu notre ami Jean-Étienne Eudes. On va en écouter un petit peu. C'est le Radiovision, le 1430 AM. Jean-Étienne Eudes au microphone frigorifié dans nos studios qui sont pas chauffés. En compagnie de Gladys derrière la console qui appuie sur les boutons, mais pas les mêmes boutons que me donnent les politiques du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Oui, ce gouvernement me donne des boutons, pas autant que celui de Sweet Mickey, bien que Philippe Couillard est loin d'être sucré avec ses politiques d'austérité. À ce rythme, le Québec ressemblera très bientôt à un gros Port-au-Prince. Et que dit du fleuve Saint-Laurent, ce joyau qui sera bientôt aussi dangereux que la route de Jacmel, avec tous ces super pétroliers qui frôleront le fond du Saint-Laurent et non pas du Barry, malheureusement. Heureusement, la Cour supérieure a demandé que cessent les travaux de forage au large de Kakuna à la demande des environnementalistes. Tous ont applaudi, bravo cette décision, même si selon moi, c'est encore une autre preuve du racisme larvé des écologistes. On a donné comme prétexte la sauvegarde des baleines blanches pour stopper les travaux. Mais est-ce qu'on aurait fait la même chose pour des baleines noires? C'est ma question. Et si le pétrole n'était pas l'or noir, est-ce que les environnementalistes y seraient autant opposés? Promouvraient-ils autant les énergies vertes qui ne proviennent même pas d'Afrique, même pas de la planète Mars? Afrique, pas vaudou! Comme le dit la sagesse créole, malheureux panigoke, les malheureux n'ont pas le cœur gros. Les pauvres ne font pas les difficiles. Quand l'austérité nous aura tous rendus pauvres, nous nous mangerons tous entre nous. Et c'est encore un noir qui va ranger la cuisine. Oh, regardez ce que dans ma besace. Oh, Je m'y fais pas à votre petite présentation. J'adore ce oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dans votre petite besace cette semaine? Beaucoup de choses. Tout d'abord, oui. Vous aviez votre album de Mafalda la semaine dernière. Oui. Est-ce que vous l'avez gardé pour vous? Ben oui, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma mère à Noël il y a à peu près 5-6 ans. C'est pas un service de presse. Là. Ah, mon c'est Dieu. Un truc qui m'appartenait. Ah, je suis désolé. Voilà. Bon. Alors, je commence cette besace aujourd'hui avec une biographie. Jean-Philippe, vous savez, Fred et moi, c'est notre plaisir coupable, lire des biographies des vedettes du showbiz québécois. Ah, oui. Mais moi, j'aime bien les biographies, mais peut-être pas du showbiz québécois. Ah, nous, on adore. Je vous ai offert la biographie de Johnny Carson. Oui, non, à Noël l'année prochaine. Elle est sur, ben, sur ma pile à lire. Pas Noël l'année prochaine, c'était Noël l'année passée. Ouais. On est presque en octobre. Non, mais j'en ai beaucoup à lire, c'est pour ça que je vais aller. On a lu beaucoup, notre préféré, oui. On a parlé beaucoup de René Martel. En 1984, un récit bouleversant sur ma lutte contre l'alcoolisme. C'est une biographie que Fred et moi avons lue. Oui. Pour vrai? Vous vous souvenez? Ouais, pour vrai. Moi, j'ai lu aussi une très bonne biographie de Jerry Boulet, de Mario Roy, qui était l'ancien éditorialiste de la presse, qui a écrit une très bonne. Et moi, j'ai découvert Jerry comme ça. Et aussi, non, mais c'est pas une biographie, c'est les mémoires de Lionel Groulx que j'ai adoré aussi. Vous savez ce qui me fait peur? En cinq tombes. C'est que pendant qu'on parle de ça, notre chroniqueur Mehdi Boussaïdan est parti. Ouais. Oh. Il va alors, chercher j'imagine. Bière. Ah, il est venu, très bien. Ah, il revient. Ok, ouais. ça me fait plaisir. Parce que j'avais peur de l'ennuyer, vous comprenez? Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est la jeune génération. C'est je ça. Me dis peut-être qu'on perd ces gens-là. Ben, il y a le nom d'une bobinette aussi de Christine Lamère aux éditions 7 jours. Mais aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est cette biographie qui s'imposait évidemment cette semaine. C'est la biographie de Gilles Latulippe. Ah, bah oui. Qui est publié aux Éditions de l'Homme, qui s'appelle « Avec un sourire ». C'est une biographie qui date quand même un peu, Jean-Philippe. Elle a été écrite en 1997. À ce moment-là, Gilles Latulippe était encore au Théâtre des variétés depuis 30 ans. Et quand il est décédé, je me suis dit « Est-ce qu'il y a déjà eu une biographie sur Gilles Latulippe? J'avais envie de le lire. » Je suis allé faire mes recherches dans Internet et puis j'ai vu donc qu'il existait cette biographie-là, mais qui n'était plus disponible en librairie depuis un certain nombre d'années. Alors, j'ai contacté les Éditions de l'Homme. Ils nous ont dit « Effectivement, on est en réimpression depuis le décès de M. Latulippe. » Ben. Donc, à l'heure où on se parle, probablement que c'est déjà au pire mardi prochain, ça sera disponible dans les magasins. C'est une biographie très, très intéressante à lire. C'est une biographie, évidemment, pas juste sur un homme, mais évidemment sur tout un mouvement, le burlesque au Québec, à travers 300 pages. Et c'est aussi une biographie qui est extrêmement intéressante à lire. C'est un personnage, on l'a répété beaucoup cette semaine, Gilles Latulippe, quelqu'un de très humble. Et c'est ce qui transpire beaucoup dans sa façon de raconter sa vie, son parcours. Et on sent tout au long aussi de ce livre-là, un immense amour et un grand respect de ses collègues de travail. Quelque chose qu'on devrait apprendre entre nous, ouais, c'est ici, vrai. Jean-Philippe. Mais je veux dire, en même temps, c'était des gens comme Fernand Gignac, on a du respect automatiquement pour ces gens-là. C'était des grands. C'était des grands. C'est embêtant de vous respecter. Il le dit beaucoup dans sa biographie. Il dit mes rôles, les émissions dans lesquelles j'ai joué, c'était pas si important. Ce qui avait de vraiment important, c'est les gens que j'ai rencontrés. Ces gens-là, c'est des Marcel Gamache, Olivier Guimond, Juliette Huot, Denis Drouin, Jeannine Tuteau, etc. Le capitaine Bonhomme, Suzanne Lapointe, évidemment. Et c'est une biographie qui est écrite par un conteur, par quelqu'un qui a le sens du punch. Donc, c'est pas une biographie plate. Et c'est évidemment. Vraiment lui qui l'a écrite. Ben, c'est écrit avec la collaboration de quelqu'un, ce qu'on appelle un... Je me souviens pas du terme. Là, oui, terme, vous, là, vous vous souvenez. Je me souviens, mais je veux pas le dire. Mais il y a un terme qui s'appelle, mais voilà. Oui, oui. Donc, il nous raconte évidemment avec ce sens-là du récit qu'on lui connaît. on va mettre le terme sur la page Facebook. On va mettre le terme sur Twitter. Il nous parle de son enfance, de sa famille, des tours qu'il aimait jouer. Il nous parle de son père qui n'avait pas du tout le sens de l'humour. Ouais. Son père était un homme très sérieux qui détestait les blagues dans la vie. Donc, Gilles Latulippe, avec un sourire... Comment on fait pour détester les blagues dans la vie? Vous seriez étonné? J'en connais plein. J'en connais plein vous aussi. Vous n'avez pas une enfance facile. Voilà, Gilles Latulippe, avec un sourire, aux Éditions de l'Homme. Mon Dieu! Y a-t-il quelqu'un de mort? Ah, Jean-Philippe. Ben non, mais... Justement, vous savez que j'ai l'intention, au fil des ans... Avec ma besace, de vous faire une petite culture. Voilà. De faire une... Ben, de vous initier à la culture. Ben voyons, ça va être abrutissement culturel, Jean-Philippe. Et là, j'avoue que je vais loin aujourd'hui. Je vous ai présenté de la musique classique que ça s'appelle, Jean-Philippe. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est dégueulasse. Et je vous parle d'un album qui est sorti mardi dernier. Et c'est la 3e symphonie de Bruckner, dirigée par le... Déjà 3e? C'est comme Daniel Brière, il y en a juste 3, ça va s'arrêter après ça. C'est une trilogie. Hein? 3! Hey, va... ben, Bruckner a envie de faire des nouveaux projets. Ben, il va passer à autre chose. Donc, c'est dirigé... C'est très drôle. C'est dirigé par le tout-petit Yannick Nézet-Séguin et son orchestre métropolitain. Ouais. Et ça a été capté live lors d'un concert auquel j'ai assisté à la Maison symphonique il y a 3 mois. Mais vous avez beaucoup de temps. Je suis un homme de culture, Jean-Philippe. Voyez-vous? Un homme de temps libre. Voilà. Donc, c'était un spectacle vraiment mémorable, très émouvant. Les spécialistes, j'ai lu la presse écrite un peu de la musique classique dont je ne fais pas partie. Non, pas du tout. disait que l'album n'avait pas réussi à restituer vraiment l'impact de ce spectacle-là. Pour des oreilles un peu de néophytes comme moi, ça ne s'entend pas, donc c'est vraiment un album à se procurer. C'est disponible sur étiquette Atma, Bruckner 3, Yannick Desessegain et l'Orchestre Métro. Oui, le numéro de catalogue, c'est le 003253-22. Ah, il y a différents adagios là-dedans, c'est magnifique. Vous faites penser à Edgar Fruitier. Oui, voilà. On me note sur Internet, ici, en fait, c'est ma recherchiste qui fait rarement son travail, mais, c'est là, vrai? Mais là, elle le fait. Elle me dit, on peut dire pour l'aide à l'écriture, un ghostwriter. Alors, on règle beaucoup de problèmes comme ça. Hein? Oui. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas en français, mais c'est en c'est la biographie. Donc, il y a quelqu'un vous qui le dirait vous-même. Oui, voilà. La biographie est écrite au jeu. Alors, voilà. En terminant, je m'en voudrais beaucoup de ne pas vous parler d'un ouvrage formidable. C'est le fameux livre de recettes de la chanteuse Marie-Lou. Ah, voilà. Ça s'appelle « Trois fois par jour », premier tome. Premier? Vous voulez dire quoi par premier? Il y en aura probablement d'autres par la suite. Il y en aura sûrement trois. Après ça, on va vouloir passer à autre chose. Donc, c'est un magnifique ouvrage, une cuisine simple, décomplexée. Il y a certaines recettes qui sont étampées du saut « Cuisine mâle hein, ». Je trouve ça genré pas mal. Oh, arrêtez, c'est un clin d'œil, il n'est pas con, Marie-Lou. Là. Okay. Alors, c'est approuvé par Alex, le photographe, son copain. C'est un livre plein d'émotions. Son mari. Oui, son mari, c'était. Oui, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour aussi dans ce livre-là, Marie-Lou. Ah, Marie-Lou, il va avec des petites touches humoristiques, des souvenirs d'enfance. Donc, ça serait facile de dire un autre livre de recettes, mais pour moi, c'est un hymne à la vie. C'est un livre sur l'importance de prendre soin de soi. C'est un livre aussi sur la complicité, sur l'amour qui donne des ailes, sur l'amour qui permet de réaliser des grandes choses comme un livre de recettes. Jean-Sébastien Girard. Alors, j'ai envie de dire à Marie-Lou et à Alex, chapeau et merci pour ce bel ouvrage-là. Bon, ben c'est très gentil, ça. Et évidemment, les recettes sont disponibles sur le site trois fois par jour. Exactement. Hein, si vous voir, je l'ouvre au hasard comme ça, puis c'est une soupe de lentilles, orge et épices. On adore. Et ça sent très bon. Ça, en revanche, on peut l'offrir à M. Brière sans embâche. On vous le donne. Voilà. Oui, voilà. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Vous voyez les gens dans la salle, ça vous sert à rien de venir ici. Faut être un invité pour recevoir des cadeaux. Alors, on va passer maintenant à un jukebox. C'est le moment d'écouter un peu de chanson. On va écouter justement une chanson de Marie-Lou. C'est Mais non. une blague. On va écouter une chanson d'Alex Nevsky qui a donné une cinquantaine de spectacles au cours de l'été. Ouais. Il s'est arrêté un peu. Il a recommencé cette tournée cette semaine. Mais mon Dieu, ça commence bien. Voyons! J'ai même pas fini mon lagus. C'est son album Himalaya, mon amour. C'est « Mieux vaut vivre » d'Alex Nevsky sur ICI FM. On se prend par les cornes, on s'envoie dans les cordes. Si le soleil sort, mieux vaut. On vient de recevoir un tweet de Balado 0420, je ne sais pas comment on dit ça, mais il nous note en fait que notre promo télé, parce qu'on a une promo télé cette année, dit clairement « pas de publicité, pas de musique ». Alors, on s'excuse, on vous a trompé. Marketing. Oui, je sais, on s'est trompé. On pourrait l'enlever, la musique, hein? C'est pas nécessaire. Non, je pourrais que les coms écoutent l'émission. Ah ouais. Mais c'est un bel appel. Merci, Fred. Écoutez, la soirée est encore jeune sur les ondes de ICI Radio-Canada Première, une émission beaucoup moins drôle que ça va mal. La démocratie. C'est votre nouvelle passion, Olivier Niquette. Ben, hein? Oui, je suis un passionné de démocratie. D'ailleurs, c'était ma deuxième semaine de couverture de la démocratie qui, on s'en souvient, est la base de l'Assemblée nationale. Et si on s'en souvient pas, ben Robert Poëty peut nous le rappeler. La démocratie, moi, j'y crois, et c'est ce qui nous a mis ici aujourd'hui. Oui, c'est la démocratie qui les a mis ici aujourd'hui, avec un petit peu d'aide, du confort et de l'indifférence. En tout cas, cette deuxième semaine m'a fait réaliser que l'Assemblée nationale ressemblait énormément à ce qui se passe à la table chez nous, au souper. Les enfants, vous êtes assis tout croche, puis vous échappez du ballonnet à terre. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les enfants, arrêtez de chigner, là. Maman est en train de me raconter sa palpitante journée au bureau avec la photocopieuse qui marchait pas. Est-ce que le ministre est en train de nous dire que le gouvernement du Québec ne peut rien faire pour protéger l'intégrité du fleuve? Quand le président se fait aller l'autorité à coups de te dit que les députés, ils se tiennent droite. Faut dire que tout le monde essaie de parler en même temps d'environnement et que c'est pas toujours logique tellement ils ont tous des squelettes polluants dans leur placard, sauf pour la CAQ, la seule qui peut légitimement poser des questions là-dessus, ben quand elle a le temps. Là. Il y a des crédits carbone qui ont été donnés par le gouvernement. Moi, je voudrais savoir dans le deal que... Monsieur le ministre de l'Économie... D'ailleurs, on manque la fin d'environ pas de joke, le tiers des questions parce que le micro ferme, une technique que je ne peux pas utiliser avec mes enfants, malheureusement. Sinon, il est encore question des coupures chez les familles, qui est, comme on l'a vu la semaine passée, la priorité du PQ, tout comme le sont l'environnement, l'économie et les champs de ruines. J'ai été très bouleversé d'apprendre de la bouche du député du PQ, Mathieu Traversy, que la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, c'est un peu comme la bonne femme 7 heures. On savait déjà qu'il s'attaquait aux familles depuis quelques semaines et quelques mois. On sait maintenant aujourd'hui qu'il s'attaque aux partenaires du milieu, aux gens qui s'occupent de nos enfants. Qu'est-ce que ce sera demain, Monsieur le Président? Est-ce qu'elle va s'attaquer à nos enfants? Hey, touchez pas à nos enfants! À moins qu'ils soient en train de lancer du ballonnet partout. Heureusement, la ministre Charbonneau est toujours là pour nous rassurer. L'objectif du gouvernement, c'est de conserver l'ensemble des programmes qu'il existe au Québec pour les familles du Québec. Par contre, on le dit, on le répète, dans le principe même de la possibilité de pouvoir se procurer ces services. C'est vrai que celle-là, il faut la répéter souvent pour comprendre. Dans le principe même de la possibilité de pouvoir se procurer ces services, c'est clair. OK. Il faut dire qu'en matière de phrases croches, Mme Charbonneau est quand même une championne. En fait, ça dépend juste de l'heure à laquelle vous l'écoutez. Quand un mot sort, en fin de journée, quelquefois, il peut être mal interprété. Bon, pour l'avoir suivi depuis 2 semaines, je dirais que le matin aussi, elle est dure à interpréter. Le docteur Bolduc reste quand même le maître pour ce qui est des mots qui sortent. D'ailleurs, on apprenait cette semaine qu'il veut faire une réforme de l'éducation. Oui. Il a déjà commencé avec sa réforme de la syntaxe. Contrairement à ce que le député fait mention, la rentrée scolaire s'est très bien déroulée. Oui, contrairement à ce que le député fait mention, il devrait se consacrer sur les vraies affaires. Peut-être que s'il se consacrait sur les vraies affaires, comme nous faisons comme parti, peut-être qu'il arrêterait de demander des commissions. Je pense que notre ministre de l'Éducation a toutes les qualités requises pour devenir coach du Canadien, et c'est un peu inquiétant. On va parler maintenant d'un autre endroit où la démocratie coule à flot. Je parle bien sûr d'Ottawa, où cette semaine, Thomas Mulcair du NPD avait une question à poser au gouvernement. Will the Conservative government confirm that the 30-day Canadian commitment in Iraq will indeed end on October 4th? Est-ce que le gouvernement peut confirmer que son engagement en Irak va se terminer le 4 octobre? Réponse de Paul Calandra du Parti conservateur. There's a great deal of confusion with respect to the NDP position on Israel. En effet, il y a confusion parce que plutôt que de répondre à la question sur l'Irak, Calandra a critiqué la position du NPD à propos de ses amis israéliens. Ensuite, re-question sur l'Irak, re-réponse sur Israël et ainsi de suite. Iraq. Our friends in Israel. Iraq. Our friends in Israel. Iraq. Our friends in Israel. Iraq. Our friends in Israel. Iraq. Our friends in Israel. Iraq. Our friends in Israel. Et vendredi, Calandra s'est excusé en larmes à la Chambre des communes d'avoir bafoué l'Assemblée, comme quoi la démocratie, ça peut aussi faire brailler. C'est tout. C'est tout, oh mon Dieu! Alors, c'est une tristesse. Ben. Merci, Olivier. Ça finit sur une note triste. Oh, j'aime bien ce nouveau segment sur l'Assemblée nationale. Oui. Ça fait une belle revue de ce qui se passe. Ça me permet de prendre mes courriels en même temps. Oh là là! Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des courriels, justement, pour Daniel Brière? En fait, oui, bien étonnamment, beaucoup. Je vous vole un peu le début, OK? Jusqu'à la maison. Oui, ouais. J'en sois pas, moi. Je vous vole un peu le début parce que ma mère fait dire à Daniel Brière qu'elle vous aime d'amour. Oh. Alors voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et Monique Laveau aime quand même beaucoup de monde, par exemple. Oui, c'est juste ça. On est 200 dans son top 3. Mais elle a tellement un grand cœur. Alors, elle vous aime, c'est ce que je voulais dire. Bon, allez-y, voilà. Comme ami Facebook. Un courriel qui nous vient de Mme Pauline Dupuis. Est-ce vrai, M. Brière, que vous êtes devenu millionnaire avec les annonces de Belle? C'est une vraie question en plus. C'est drôle parce que je me souviens, j'ai auditionné pour la pub de Belle. Non, c'est vrai? Pas vrai. Je passais juste avant Benoît. Ah, il y avait moi, il y avait Benoît. C'est et puis, finalement, quand je suis ressorti, j'ai dit oublie ça, t'as pas besoin de. Passe pas l'audition, ça vaut même pas la peine. Mais finalement, non. Je ne l'ai pas eu, c'est lui qui l'a eu. Mais peut-être que c'est vous qui voulez, mais ils se sont trompés de nom. Ça serait niaiseux. Hein? Autre anecdote, ça m'est arrivé de négocier pour Benoît Brière. On m'a appelé une fois, puis on m'a dit ah, ce serait pour une pub, une voix, tout ça. On n'a pas beaucoup d'argent, caché et demi. J'ai dit, oh, ça va aller. Ils ont dit, vous êtes bien Benoît Brière? J'ai dit non. Ah, c'est des écœurs en ce monde-là. D'autres questions, Jean-Sébastien? Ouais, bon. Il y a un témoignage ici qui nous vient de Lise Dubois, donc un peu d'émotion ici. Ça dit « Je suis une chef d'une famille monoparentale. Nous avons tous une vie très mouvementée. Mais depuis plusieurs années, ma petite famille et moi avons au moins un rituel, un incontournable pour s'arrêter dans la semaine. C'est l'écoute des parents. C'est brillant, drôle, rassembleur. Il y en a même parfois par l'humour su canaliser certains problèmes au sein de notre tribu. Merci pour votre bon travail. » Mais non, mais c'est une belle histoire, plaisir, ça. Ouais. Est-ce que... C'est la 7e saison des parents. C'est la 7e saison, oui. Est-ce que Jacques David, en a, l'auteur, en a une 8e en lui? Je pense que peut-être, oui. Ça, mais je vous le souhaite quand même. Ouais, mais là, Scott Dorval a encore envie de jouer dans un petit téléroman comme ça. Oh, oui, quoi? C'est pas un petit téléroman quand ça fait presque 1 million à chaque émission. Non, mais t'enlèves les pubs, ça dure 22 minutes. Là, c'est plus dans cet esprit-là que je vous l'ai dit. Je vous rappelle que vous êtes dans Entrée principale, Jean-Sébastien. OK! Et si vous voulez aller voir les pièces Le pain et le vin au MTE, vous allez sur le site web, c'est mte.qc.ca. Vous avez les dates, vous pouvez acheter des billets et vous allez voir la pièce de Daniel Brière. Merci d'être venu nous voir, merci Daniel à vous. Brière. Merci énormément. C'est très agréable. Et lors de la deuxième heure, on va recevoir Sylvain Gaudreau, également notre nouveau chroniqueur, Métibi Saïdan. On se revoit après les nouvelles, dans une dizaine de minutes. Des nouvelles qu'on écoute avec de façon assidue. Hein. Oh, oui. Il paraît que ça va être une très bonne mouture. Ah oui, tout à fait. Je vous pose des questions là-dessus. OK. Dans une dizaine de minutes. Au revoir. Pour la deuxième heure de ce dimanche 28 septembre. C'était le marathon de Montréal. Marathon d'ailleurs que Fred Savard a presque complété. Je veux pas en parler là. Vous voulez pas parler de ben ça? Non, mon 10 km avec mon Gémeaux que j'ai couru, je veux pas parler de ça. Ah, parlez pas de ça. Mais quelle belle réussite. Ah, même, mon Dieu, j'ai du plaisir. En bas de l'heure. Non, non, mais faut le noter, c'est quand même Fred Savard. C'est un mauvais temps pour moi, mais bon. Ben évidemment, deux. Oui. C'est pas intéressant. Ben non, je sais que c'est pas intéressant. Donc, deuxième heure, toujours en compagnie de Fred Savard, évidemment, le marathonien, oui. Jean-Sébastien Girard. Allô. Ah, vous étiez très drôle dans la première heure. Je le sais, tout le monde écrit ça sur Twitter. C'est même pas vrai en plus. Et Olivier Niquette s'ajoutera bientôt, Mehdi Boussaïdan et l'ancien ministre Sylvain Gaudreau également. On va parler de l'avenir du PQ et on va bien rire. Non, c'est une blague. C'est une blague. Voyons donc. Je veux dire, on va plus parler du passé parce que l'avenir, ça se pourrait que ça soit court et on a quand même 15 minutes. Olivier, est-ce qu'on a des réponses à notre question du jour? Oui, on rappelle la question. Les pharmacies Jean Coutu aimeraient avoir la responsabilité des nouvelles super cliniques promises par les libéraux. Ah, oui. Selon vous, quelle autre entreprise pourrait gérer nos cliniques et pourquoi? D'abord, on a Alain Vadeboncœur et plusieurs autres qui nous proposent McDo pour développer la médecine à l'auto. C'est une idée. Il y a Alex qui propose que le Canadien gère nos cliniques. On économiserait du temps. Il y aurait juste deux diagnostics. Blessure au haut du corps ou au bas du corps. Hey, mais ça se fait vite quand même. Hein? Quand même. Il y a aussi Annie qui propose que ce soit géré par la compagnie de parfums de Maï Paiement. On ferait des économies en anesthésie. Je sais pas, Les gens sont méchants. Ça n'a pas d'allure. Ça va beaucoup, beaucoup trop loin pour moi. Ben, quittez Jean-Sébastien. Hein. On essaie je pourrais faire une demi-mission comme les demi-marathoniens. Vous êtes très bas, Jean-Sébastien. Ouais. Je le dis régulièrement, mais Jean-Sébastien a un cœur de pierre. Hein. Ouais, mais il est contre l'amour. Mais il est aigri. Et quoi d'autre, sinon, Olivier, c'est tout ce que vous aviez? Ben, c'est pas mal les meilleurs. Là. Ah oui? Ouais. Ah mon Dieu, vous restez pas quittez pas les gens quand même. Combien... Combien il fait dehors? Hein? Il doit faire 24-25. Ça dépend où on se trouve. Ouais. En moyenne, il fait 20. OK. Et puis là, on va aller à la circulation quand même. C'est ça. La circulation. On s'habitue pas, hein? Non. La circulation. Okay. Ouais, vous l'avez pas fait à la demi, hein? Vous l'avez fait au complet. J'aurais pu arrêter en plein milieu. Mais non, mais non. Ça aurait été mieux que rien. Alors, beaucoup de circulation, les gens. Journée occupée, il y a Cal Rio qui nous dit que sur le chemin Ozias-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire, congestion de 4 km causée par les tatas du plateau venus passer l'après-midi aux pommes. Ouais. Il y a aussi marathonnier un peu confus, Dossard numéro 7184, croisé à McMasterville. Hein, bon. Hey boy! Alors, lui non plus, c'était pas à moitié, il a fait 100 km. Il y a Luc, jump-pack sur la 640 Saint-Joseph-du-Lac à Saint-Eustache. Les pommes ont le temps de pourrir dans le coffre surchauffé. Les gens sont précis. Sébastien Roy, congestion majeure à Napierville. Toutes les allées de notre salle de quilles sont occupées. Mais voyons donc! Ouais, Simon Boucher, ralentissement important sur le chemin du lac Nord à Sainte-Mélanie. L'autocueillette de courges et de divers légumes d'automne est un grand succès. Ça, Jean-Sébastien, ça ne doit pas être content de ça. Hein. Les gens vont aux couleurs. Les gens aiment la vie. François, chemin et roue à Saint-Élie-de-Caxton, très fluide. J'ai vu un seul char depuis une heure. Et François Fortin, circulation sur la 138 direction ouest. C'est très lent, voire bloqué entre le pont de l'île d'Orléans et la rue Dick. Je ne sais pas si c'est une blague, mais il paraît qu'il y aurait une... En tout cas, c'est ça. Il y a une congestion là-bas. Il y a une de mes collègues, Marie-Pierre Duval, qui vit dans le coin de Marieville. Oui. Et paraît-il que c'est jam-packed aussi, hein, dans ce coin-là. Mais c'est les pommes encore? Ben oui, les gens... Il y a des pommiers partout au Québec. Les gens aiment ça faire des choses intéressantes, contrairement à Jean-Sébastien. Ah, mais ça, c'est vrai. Mais ils sont pas aigris, hein, comme Jean-Sébastien l'est, en fait. C'est ça, l'histoire. Hey, Fred, est-ce qu'on accueille notre nouveau chroniqueur? Oui! On l'accueille. Il est un jeune humoriste prometteur qui a besoin de faire de la radio, selon nous. Voilà pourquoi on est heureux de vous le présenter. Accueillons Mehdi Bouzaïdan. Allô. Mehdi Bouzaïdan, bienvenue à la soirée T'es encore jeune. Hey, bienvenue à vous. Ben, merci de nous accueillir chez vous. Mehdi, je sais pas exactement de quoi vous allez nous parler ce soir, mais je vois votre liste et j'ai peur. Il y a du contenu. Avant de débuter, je voulais juste... déjà, je suis très content d'être ici au Helm, hein, de partager mes deux passions. Vos deux passions? Deux passions, l'alcool et Radio-Canada. Alright. Félicitations, Fred, pour ton marathon. Je sens toute l'ironie, mais allez-y. Non, pour vrai. Allez-y pendant que je prends mes courriels. C'est très à la mode de faire des demi-marathons depuis Terry Fox. Et je trouve que c'est tout à ton honneur. Franchement. C'est pas le genre d'humour qu'on pratique ici. Non. Alors, vous allez adorer la prochaine joke. Vous êtes à la mauvaise adresse. Ah, d'ailleurs, tantôt, je vous ai entendu, vous avez niaisé sur le fait que je ne lisais pas de livres parce que j'étais plus jeune. C'est faux. Je suis très cultivé. Je lis énormément de livres. D'ailleurs, j'ai lu le livre de Marilou et c'est très bon, Les Misérables. Mais pour en revenir au livre de Marilou, correct. Donc, je vais vous parler, en fait, de la plus belle invention du monde depuis l'eau. J'ai nommé Facebook. Ah, ben oui, ben les gars, vous êtes tous sur Facebook, j'imagine. Oui, évidemment. Vous savez que Jean-Sébastien passe sa vie sur Facebook. Oui. D'ailleurs, il est dessus en ce moment. Pas Jean-Sébastien, mais... Olivier qui s'appelle. Olivier, c'est ça. Merci. Alors, je tweet, là. Ah, OK. Et donc, en ce moment, les développeurs de Facebook ont décidé de censurer beaucoup de groupes qu'ils trouvaient un peu trop violents. Hein, c'est très normal. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que de tomber sur une vidéo de décapitation après avoir vu une vidéo de chaton qui flatte un bébé chat. Oui. Et je comprends, ils ne veulent pas propager la terreur. Le seul problème, c'est qu'ils censurent ces groupes-là, mais ils ne checkent pas le reste du contenu. Et je pense que c'est là que survient le problème pour notre jeunesse, c'est le reste du contenu. Alors, j'ai décidé d'écrire au président PDG de Facebook, M. Zuckerberg. Le gars de Facebook. Le gars. Et donc, je lui ai écrit une lettre pour les autres. Et ça va comme suit. Donc, cher monsieur Facebook. Vous êtes poli. Je serais content de vous écrire, mais je m'appelle Mehdi Bouzaïdan, mais vous le savez, car je suis un de vos 2 millions d'amis Facebook. J'ai d'ailleurs liké votre photo hier. j'ai pu remarquer que vous censuriez des vidéos et j'ai choisi 3 vidéos populaires que vous devriez censurer. Tout d'abord, les vidéos de ces jeunes filles qui se shake le popotin sur la musique twerk. Vous savez, c'est quoi du twerk, les gars? Mais ça se bouge les fesses, là, c'est ça? Oui, ça se bouge les fesses. C'est des filles qui bougent les fesses. Franchement. Et j'aurais aimé ça en dire plus, mais c'est pas mal ça que c'est là que ça arrête. Et souvent, c'est sur de la musique avec des paroles aussi riches qu'un plombier au Burundi. Alors, le twerk, et donc, il faut absolument arrêter ça. D'ailleurs, il y a un livre qui est sur le twerk, mais ça a été mis à l'index par Michel Onfray. Donc, on peut oublier ça. Et j'ai dit, bon, il faut absolument arrêter ça. C'est très mauvaise influence pour les jeunes. Il y en a qui vont dire, bon, c'est de la danse, c'est de l'art. Ouais. Pour vrai, de l'art, si Van Gogh écoutait ça, il pourrait vous dire, quoi? Répète! Et donc, ouais. C'est une de mes préférées, celle-là. On l'adore. Monsieur Facebook, changez ça ou changez votre site pour Facebook. Deuxième vidéo sur lesquelles je suis tombé, les vidéos où on voit des jeunes garçons américains s'immoler dans leur douche. Oui, oui, j'ai dit immoler dans leur douche. Comme dans la phrase, hey, on va-tu s'immoler dans notre douche? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est des jeunes garçons américains qui font des vidéos de eux dans la douche. Et ils se badigeonnent de gaz à briquet. Et après, ils s'allument. Puis après ça, ils allument la douche. Parce que c'est ça le concept. Poc, poc, poc. Ouais. Allume la douche. Wow, jackass. Et après, ils nominent 3 personnes qui doivent le faire. Ah, mon Dieu. Donc, on en est rendu là. Vraiment, il faut absolument arrêter ça. C'est un jeu. Et on ne peut pas laisser passer ça sur Facebook, M. Zuckerberg. C'est pour quelle maladie, ça? Je pense que c'est pour la maladie mentale générale. Et le zona. Pour eux. Il doit... N'empêche, c'est plus efficace que du head and shoulder. C'est très américain. Et oui, pour oui, vrai, il devrait enlever ça parce que si vous voulez lutter contre les concepts de terreur, moi, je pense que c'est ça ma conception de la terreur, tomber sur un gars qui s'immole en deux articles de Richard Martineau. OK. Et finalement, le Ice Bucket Challenge, ah, qu'on a vu. Hein, ça t'es super populaire. Évidemment, ça a aidé beaucoup de causes. Il y a eu beaucoup de blessés aussi, ce qui est dommage. Il y a même eu un mort. Plusieurs morts. Je pense que plus que... Ouais. Il y a un pompier qui est tombé d'une nacelle en voulant arroser des jeunes. Ouais. C'est quand même ironique. Et il y a le nouveau challenge qui s'appelle le Bee Challenge. Alors, le Bee Challenge, est-ce que vous en avez entendu parler? Mais non. Non, moi, j'ai pas... Oh, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Alors, c'est très simple. C'est, en fait, c'est un concept qui aide le cancer du sein. Okay, donc, les filles, ce que vous devez faire, ça s'applique seulement aux filles, vous devez prendre votre brassière et la mettre sur votre tête. Ouais. Et ça donne l'impression que vous êtes comme une abeille. Jusque-là. À cause des gros yeux. Ça, ça aide le cancer. Il y a comme plus de cancer après. Oui, ben, tu peux faire des dons, mais ça marche pas. Okay. Mais si tu mets ta brassière sur ta tête, là, ça marche. Si on ne guérit pas le cancer du sein avec ça, on ne guérira jamais ce cancer-là. Et le plus étonnant dans ça, c'est par souci de ressemblance, j'imagine, comme les abeilles n'ont pas de vêtements, les filles se doivent d'être nues. Ben, on imagine bien, hein? Oui, alors vous pouvez aller voir ça, il y a énormément de... Oh oui, on imagine très bien, même. Alors, vous pouvez aller voir ça sur Internet, écrivez Bee Challenge, c'est probablement le challenge le plus ridicule au monde. D'ailleurs, c'est pour le cancer du sein, mais aucun groupe féministe n'a adopté la cause. Ah non! Étonnant! C'est spécial. L'année passée, il y avait eu la même chose aussi pour le cancer des testicules. Il y avait des hommes qui se mettaient un bas sur l'engin. Oui, okay. Oui, oui. Sur Twitter. Ah ouais. Aussi. Oui. Est-ce que vous avez participé, Jean-Sébastien? C'est votre genre? Non, OK, d'accord. Oui, oui, j'ai pas vu ça. Et finalement, ben écoutez, il va falloir changer, monsieur Facebook, sur votre politique. Sinon, on pourrait croire que vous voulez juste créer de la peur, hein? Et vous inquiétez sur des politiques outre-mer parce que vous avez un parti pris, mais ça, ce n'est pas votre cas. Hein? Sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille regarder la vidéo d'un policier qui tire sur un homme non armé. Merci, merci. Ah, les gens vous ont aimé, hein? Ils applaudissent, c'est très rare. Merci. Vous restez avec nous pour le reste de l'heure? Oui. Parce qu'on a notre deuxième invité qui s'en vient immédiatement, là. Ancien ministre des Transports et des Municipalités sous le gouvernement Marois, il a résisté à l'hécatombe en étant réélu dans Jonquière. Accueillons M. Sylvain Gaudreau! Monsieur Gaudreau, anciennement, monsieur le ministre, vous savez, on a reçu beaucoup de vos collègues pendant les 18 derniers mois. En fait, les deux dernières années, on a longtemps essayé de vous avoir, ça n'a pas fonctionné. Alors, on ne vous a pas comme ministre, c'est pas grave. On vous a comme député de Jonquière. Ben, c'est ma fonction la plus importante. C'est la fonction la plus importante, vraiment, ça? Oui. Mais quand vous êtes... Parce que vous avez été ministre des Transports, mais de 800 autres affaires, en fait. Les affaires municipales, les régions, l'occupation du territoire, l'habitation. On se souvient de vous comme un ministre très efficace. Moi, je me souviens de ça, jusqu'à votre accident de vélo, d'ailleurs. Non, mais quand même, on se souvient de ça parce que vous êtes tombé en vélo dans le coin du 1er juillet, dans ce coin-là. Oui, c'était ma manière de célébrer la Confédération. Mon Dieu, c'est plus drôle que vous, ce Jean-Sébastien. Pourquoi moi? Ben, parce que vous n'êtes pas si drôle. Mais là, évidemment, on a un péquiste ici et on ne peut pas poser la question. On peut pas, en fait, ne pas poser cette question-là. Avez-vous écouté l'entrevue de Pauline Marois avec José Lito Michaud lundi soir à Télé-Québec? Oui. Et? Il l'a pas ménagé, hein? Ben, moi, j'avoue que j'ai un peu de difficulté avec les entrevues très pathos, comment vous sentiez telle seconde, votre émotion profonde à cette fraction de seconde. J'étais à 17 pieds de vous, pas à 16 pieds et demi, pas à 19 pieds. J'étais à 17 pieds. Alors, au point de départ, moi, ça me freine un peu, mais je pense que pour Mme Marois, c'était quelque chose d'important pour elle d'expliquer un peu sa vision des choses depuis le 7 avril. Le 7 avril, donc, cette défaite-là, on imagine que Pauline Marois a été mal conseillée parce que, mon Dieu, qu'il y a eu une grande chute. En fait, il y a eu une descente à quelque part dans les sondages qui a été vertigineuse. Et quand on écoutait cette entrevue-là, elle l'a confirmé. Elle a dit qu'elle était un petit peu mal conseillée ou plutôt qu'elle n'aurait pas dû prendre tous les conseils. Vous étiez dans ce cercle-là. Est-ce qu'elle était si mal conseillée que ça, Mme Marois? Moi, j'ai toujours de la misère avec le concept des mauvais conseils ou de l'influence des conseillers parce que c'est un travail d'équipe. Ouais. Puis en bout de ligne, quand on est ministre, quand on assume des fonctions politiques, on doit les assumer jusqu'au bout et en être responsable jusqu'au bout. C'est d'ailleurs ce que je reproche à M. Hurtel cette semaine sur le dossier de Kakuna, là, qui a mis la faute sur ses fonctionnaires au lieu de l'assumer lui-même. Donc, moi, je pense que c'est une conjoncture, c'est une question d'équipe. Je pense qu'on a pris... vous savez, très franchement, là, si j'avais à refaire cela, parce que moi, j'étais favorable à un déclenchement d'élection au mois de février, donc l'élection qu'on a eue, je ne le referais pas. Pas à cause du résultat, mais... Ben oui, c'est sûr, le résultat influence, mais mais je pense que globalement, on a pris une décision sur des mauvaises bases, des mauvaises prémices. Puis je pense qu'on s'est trompé, visiblement. C'était la question de la charte à l'époque. On avait eu... rien que la charte. C'était beaucoup la charte. Parce que je me rappelle d'avoir reçu Alexandre Cloutier après la défaite. Et il avait exprimé, Alexandre Cloutier, donc votre collègue, qui est député de... Lac-Saint-Jean, juste à côté de chez moi. Ah oui, c'est ça. Donc votre voisin. Et il avait exprimé un certain malaise avec la charte par la suite, à la suite de l'élection. Est-ce que vous étiez de ceux qui se posaient des questions sur la charte, sur la valeur de cette charte-là à J'ai posé beaucoup de questions. Je les ai faites à l'endroit où je devais le faire. Ça veut pas dire grand-chose. Je suis... Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il y a un élément extrêmement important, c'est la solidarité ministérielle. Et j'ai appuyé les décisions qu'on a prises, puis je continue de les appuyer. Même aujourd'hui? Bien, la solidarité ministérielle, elle se continue. Quand on a été membre du Conseil des ministres, on doit respecter le secret et la solidarité ministérielle, même après avoir siégé autour de la table du Conseil des ministres. Alors, pour moi, ça, c'est une valeur en politique. C'est des règles du jeu que j'ai accepté de jouer, puis je les assume jusqu'au bout. J'ai fait valoir mes idées, j'ai fait valoir mes points de vue en temps et lieu. Maintenant, la décision a été prise et j'étais favorable et je l'ai appuyé, puis on est allé avec ça. Mais vous pensez quoi de ceux qui, 24 heures après les élections, se sont désolidarisés justement d'Alexandre Cloutier? Se sont quoi? Il est pas désolidarisés. Oui, voilà. Ça a été quand même assez rapide, Alexandre Cloutier, à l'émission d'Anne-Marie Dussault, qui rapidement a dit ben finalement, c'était des mauvais choix, des mauvaises affaires, j'étais pas pour la charte. Puis tout le monde, vraiment rapidement, a parlé contre la charte. Regardez, j'ai pas à juger mes collègues. Moi, je vous dis ma manière de voir les choses. Ouais. Et si vous voulez savoir un peu plus comment moi j'envisage les relations, le vivre ensemble, comme le veut l'expression consacrée, j'ai écrit là-dessus avant d'être député. Et c'est essentiellement les mêmes points que j'ai fait valoir autour de la table du Conseil des ministres. Maintenant, je suis solidaire de la décision qui a été prise parce que c'est le travail que j'ai accepté de faire. J'ai prêté serment là-dessus. Pour moi, ça, c'est les règles du jeu, puis je les accepte. Vous avez écrit il y a quelques jours une lettre que vous avez publiée dans les journaux. Et vous avez donc décidé de ne pas être de la course à la chefferie au PQ. Oui, c'était une non-nouvelle. Non, mais c'était une nouvelle quand même. Parce qu'au PQ, on a l'impression qu'on cherche un chef avant même le début de la course. Il y a plusieurs personnes, mais vous le dites même dans votre lettre, alors que presque le tiers de la députation est en train de se présenter à la chefferie. C'était une bonne petite blague, mais vous l'avez écrite, donc franchement... Oui, puis l'autre tiers ne peut pas se prononcer parce qu'ils ont des fonctions officielles comme chef intérimaire, leader, exact. Vice-président de la Chambre. Fait qu'il en reste un tiers... Qui est en train de se poser la question, à savoir s'il va. Ouais. Bon, là, évidemment, on a Martine Ouellette, on a Bernard Drinville, on a Jean-François Lisée, on a Pierre-Carl Péladeau, on a notre ami Pascal Bérubé, qui y pense encore. Là, ça fait quand même pas mal de monde. Vous, vous êtes retiré parce que vous dites, et ça, c'est intéressant, vous dites, le peuple nous regarde, mais ne nous écoute plus. Et en ce moment, ceux-ci sont bien loin du débat sur le meilleur moment de tenir le prochain référendum. On a un jeune à notre gauche et à votre droite ici, Mehdi. Est-ce que vous êtes intéressé par les questions du référendum? Oui, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire? Moi, j'ai toujours voulu que le Québec devienne un pays, mais c'est parce que j'étais champion provincial. En quoi? Ah, l'athlétisme. Ah, voilà. Et il voulait devenir champion national. Exactement. Ah, ouais, ça, c'est brillant, c'est parfait, quand même. Ben, il faudrait plus de champions provinciaux comme ça. Mais c'est vrai ce que vous disiez dans votre lettre. Cette lettre-là est remplie d'un certain réalisme. On a la difficulté à voir ça des gens qui se présentent, en fait, que ce soit Drinville ou que ce soit Lisée, sur les dates possibles d'un référendum. Vous en pensez quoi, vous? Bien, écoutez, ce que j'ai écrit dans la lettre, c'est essentiellement... Ce que je pense par rapport à tout ce débat-là, je trouve que c'est mal enligné. Je trouve que le message du 7 avril, c'est justement que ce qu'on a proposé aux Québécois ne correspondait pas à ce que les Québécois voulaient entendre, visiblement. Alors, il faut qu'on soit là-dessus, sur ce qu'on a à proposer comme parti en matière de justice sociale, d'environnement, de lutte au changement climatique, de finances publiques, de régime de retraite, d'emploi, de précarité, de famille. Et moi, je suis convaincu qu'en étant un bon gouvernement, en faisant faire des gains pour le Québec, ça va donner le goût aux Québécois d'en vouloir encore plus puis d'avoir l'indépendance. Mais on ne peut pas être théorique. Il faut qu'on passe à l'action. C'est ça aussi le travail politique. Et moi, j'ai adoré être ministre parce que, justement, ce n'est pas un power trip, là, c'est juste parce que ça permet vraiment de passer à l'action, de contrôler l'agenda. Puis je pense que c'est en donnant le goût de cela que les Québécois vont vouloir aussi avoir un pays. Puis le référendum, pour moi, c'est accessoire. C'est d'abord le projet, ce qu'on veut faire, c'est faire avancer le Québec qui compte. Mais comment vous allez faire pour gérer tous les, je vais dire, les extrémistes dans votre parti là, qui vivent de référendum et qui vivent de séparation le plus rapidement possible? Oui, ben, vous savez, moi, ça fait 27 ans presque que je suis membre du Parti québécois. J'ai connu toutes les instances. Cette idée des extrémistes ou des purs et durs... il n'y en a pas tant que ça. T'sais, je veux dire, les médias entretiennent beaucoup ça. Vous pensez que c'est les médias qui entretiennent ça? C'est pas à l'intérieur du PQ même, il n'y a pas de débat là-dessus? Ben, je pense que Mme Marois, comme chef du PQ, a quand même fait faire des virages importants à ce parti-là, justement pour se dégager de l'échéancier référendaire. On est retombé dans le piège à la campagne électorale, c'est une autre histoire. Mais on a quand même été capable, avec la gouvernance souverainiste, de se dégager de la date du référendum. Ça, c'est un pas important. Puis je pense que ça démontre où sont les membres du Parti québécois. Mais il faut aller encore plus loin. Puis vous allez appuyer qui, donc, à cette course de chef? Je sais que vous n'allez pas nommer personne, mais je vais vous poser non, la question. Non, mais c'est pas juste un spin, là. Franchement, je sais pas. Je suis neutre. Peut-être que je resterai neutre jusqu'à la fin de cette course-là. Ah oui, hein, je veux exercer mon influence différemment en amenant des idées comme de ce temps-ci. Je travaille beaucoup sur la question, justement, du port de Kakuna, mais de l'oléoduc, de TransCanada Énergie. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça terrible ce qui est en train de se faire. Alors, je travaille beaucoup sur ces questions-là. Je veux travailler avec mon monde, je veux travailler avec les gens à la base. Puis je pense que c'est de cette manière-là que je vais être capable d'influencer ce qui s'en vient. C'est drôle, vous parlez de ça parce que vous êtes porte-parole de position officielle en matière de développement durable et d'environnement, alors que vous étiez ministre des Transports. Comment ça se fait qu'on ne vous donne pas, par exemple, dans un nouveau gouvernement, en fait? Ça, c'est la question classique. Je pense que quand on a été ministre, après ça, on se retrouve. C'est un peu raide, ça, comme réponse. Salut votre chercheuse. Non, ça vient de moi, celle-là. Il faut avoir une certaine distance. Okay. Je pense qu'il faut avoir une certaine distance quand on passe à l'opposition après avoir été ministre. Il faut, si on regarde les mêmes dossiers, premièrement, ça donne des arguments à l'adversaire. Moi, j'ai eu comme adversaire, quand j'étais ministre des Transports, la porte-parole des libéraux, c'était l'ancienne ministre des Transports. C'était très, très évident pour moi de sortir le livre noir de Julie Boulay et d'y ramener ça tout le temps. Alors, il faut avoir une certaine distance quand on change de côté de la Chambre. Je pense que c'est sain. Mais ce qui est surtout important, c'est ce que j'ai essayé d'amener, puis je pense que j'ai réussi un peu quand même, comme ministre des Affaires municipales, puis ministre des Transports, ce lien-là, très, très étroit entre l'aménagement durable du territoire, la façon de faire les villes, l'étalement urbain, la gestion des transports collectifs. Ça correspond vraiment à des valeurs de développement durable. Donc, en passant, maintenant, comme porte-parole de l'opposition en matière d'environnement, c'est comme un autre pilier. Avant, j'étais dans l'autre opposition, j'étais porte-parole en énergie. J'ai beaucoup travaillé sur l'indépendance énergétique, les énergies renouvelables. Alors, c'est trois piliers qui se touchent. Mais vous êtes très bon à l'opposition. Peut-être que c'est votre job aussi. Hein? Je disais, non, mais c'est vrai quand même. Le nouveau ministre des Transports, Robert Poëty, qu'on devait recevoir hier d'ailleurs, il s'est décommandé, malheureusement, il va revenir. Mais M. Poëty fait tout un travail depuis qu'il est revenu. Il me semble que les libéraux travaillent sans cesse. Ils n'ont pas pris une journée de vacances, eux autres, là, avec tout ce qu'ils sont en train de refaire. Parce que vous avez mis la marde un peu pendant 18 mois, on va le dire. Et c'est ce que je comprends. Même Bolduc travaille jour et nuit, c'est sans arrêt. Il n'a pas le temps d'apprendre le français, le pauvre. C'est ça qui se passe. Chaque avec seconde lui. De sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe? Parce que. On va se le dire, il y a quand même un problème dans les finances de la province. On a besoin... du Québec, oui. Ben, moi, je ne dis plus province. Ah, vous ne dites plus province? Non. Vous êtes champion à quelque part aussi? Non, mais pour moi, je veux que le Québec soit un pays. Alors, je souhaite pas que le Québec soit une province comme la Saskatchewan ou l'Île-du-Prince-Édouard. Pour moi, c'est un pays. Alors, je bannis le mot province de mon langage. D'accord. Alors, la province ne va pas très bien. Je suis désolé, c'est comme ça. Hein? Non, mais c'est légal quand même. J'ai pas le choix de dire ça. Fiscalement, il faut restructurer les patentes. Et ce que les libéraux font depuis leur arrivée au pouvoir, quand même, on peut pas dire qu'ils ont chaud, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe en ce moment? Ils ont chômé, mais je pense qu'ils ont pas chômé, ça, je veux dire. Ils travaillent de travers. Ils travaillent Mais non, non, mais regardez sur la question des régimes de retraite des employés municipaux. Ouais. Faut le faire, là. Faut le faire. Mais ils font. Recréer de la confrontation. Non, mais nous, on avait travaillé avec Agnès Maltais à l'époque. Premièrement, c'est elle qui portait le dossier comme ministre du Travail et non pas le ministre des Affaires municipales, parce que pour moi, il y a une proximité qui est malsaine. C'est préférable que ce soit la ministre du Travail qui a ça. On avait réussi à trouver un consensus de sorte qu'on était sortis d'une salle de travail. On a fait un forum. Les maires Coderre, Labeaume, les représentants syndicaux, le président de l'UMQ, les deux ministres responsables, Agnès et moi, et tout le monde, on était ensemble pour dire voilà la manière dont on doit travailler. Alors que les libéraux ont complètement créé la confrontation dans ce dossier-là. Autre dossier, bien évidemment, la question de l'environnement avec l'oléoduc de TransCanada. C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est de l'aplaventrisme là, dans ce dossier-là. Mais vous avez quand même, je veux dire, quand vous étiez au pouvoir, 18 mois, c'est pas long, mais quand vous étiez au pouvoir quand même, est-ce que vos positions étaient à ce point radicalement opposées à celles des libéraux en ce moment? Il y avait un attentisme, il n'y avait rien de clair dans ce dossier-là. Bien, je pense que l'approche est différente. Et l'approche... C'est-à-dire de le faire, mais sans le dire? Non, l'approche du Parti québécois, des fois, on se le fait reprocher, mais moi, je pense que ça marche, là. C'est une approche de concertation puis de travail. De travail en équipe. Prenez juste la question des frais de scolarité. Qui se souvient aujourd'hui qu'on a réglé ça autour d'une table, forum avec Pierre Duchesne, Mme Marois, pour s'entendre, alors qu'on a eu le printemps érable au Québec pendant plusieurs mois où il y a eu des manifestations? Ce forum-là, ça a été un bel avant-midi. On a parlé à Gabriel Nadeau-Dubois, il était très heureux de ça. Hein. Vraiment. Ouais. Mais quand même. Mais je comprends. Il y a d'autres représentants étudiants que Gabriel Nadeau-Dubois aussi. On fait des blagues. Je ne suis pas sûr qu'il y en a d'autres, honnêtement. En tout cas, on ne se rappelle plus de personne d'autre. Hein. Comment va le petit Léo? Il y avait une fille. Oui, ben, rendu à la TVA. Mais le petit Léo Bureau-Boulouin, est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Je sais que, ben, évidemment, comme vous le savez, il est président du comité des jeunes du parti. Oui, tout à fait. Vous l'avez reçu pour ça l'année passée, j'ai l'impression. Il travaille avec une belle et une bonne équipe. Puis, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir au Parti québécois? Je relisais récemment, René Lévesque a déjà dit que... En fait, le Parti québécois a de l'avenir. Vous pensez vraiment? Parce que René Lévesque lui-même dit que le Parti québécois est un parti d'une génération. À un moment donné, c'est normal que ça s'éteigne. Comme le Bloc. Le bloc aussi, on avait dit ça au début. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a de l'avenir pour le Parti québécois? Je le crois fondamentalement. Est-ce que ça va être le Parti québécois comme il est actuellement? Probablement pas. Moi, je veux travailler justement pour le changer, mais je ne peux pas croire que la seule alternative aux libéraux, premièrement, ma plus grande crainte depuis le 7 avril, c'est que les libéraux s'installent là à demeure, un peu comme les conservateurs en Alberta, là, pendant 50 ans sans opposition. Ça, c'est une chose. La CAQ est là quand même. Bien, justement, je ne peux pas croire que la seule alternative au Parti libéral soit la CAQ. Il y a sûrement de l'espace politique entre ce que la CAQ propose, qui n'est pas très différent des libéraux, soit dit en passant, et les libéraux. Il y a de l'espace politique là. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous présenter à la chefferie? Non, en tout cas, je vous dis ça comme ça. Je comprends ce que vous voulez dire. Je trouve que c'est mal. En tout cas, j'aime pas la manière dont la course au leadership est enlignée sur la date du référendum. Moi, je ne veux pas faire de débat là-dessus. Je veux parler d'environnement, de développement durable, etc., de famille, de justice sociale. Puis j'essaie d'influencer le parti de cette manière-là. Parce que vous êtes aussi bon orateur que Martine Ouellet, quand même. Pour vrai? Ben, ça, c'est une petite blague, j'imagine, Jean-Sébastien. Oui, qui n'a pas levé, mais c'est correct. Non, effectivement. Faut savoir, ça fait partie du risque. Faut savoir se lancer quand c'est le moment. Ça c'est termine dommage. Bien, là. Oui, oui. Non, mais j'ai une dernière question quand même, Sylvain Godreau, vraiment. Et cette dernière question-là, elle est celle-ci. Quand vous avez eu votre accident de vélo, évidemment, mon ami Jean Tremblay, le maire de Saguenay, a dit, voyez-vous, si vous vous étiez occupé des routes un peu plus convenablement, peut-être que vous ne seriez pas planté en Bessic, Quintouet. Jean Tremblay, là... Vous le connaissez un peu, Jean Tremblay. Beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais poser? Comment il va? Qu'est-ce qui se passe avec Jean Tremblay? On s'appelle pas le soir pour savoir comment on va. C'est quoi son problème exactement, lui? Je pense que... il est un politicien qui fait beaucoup valoir le populisme, populisme fiscal, mais en plus, en ce qui le concerne, il ajoute une dimension... religieuse et morale. Je pense qu'il travaille beaucoup seul, sans équipe. C'est une belle recette, ça. Et moi, j'espère que le Québec va suivre un peu plus ce qu'il fait et ce qu'il dit. Mais nous, on adore ça. Juste vous dire, là, franchement. Ouais, il faut continuer. C'est ça. Nous, on adore ça. Et à chaque semaine, si on peut sortir une citation de Jean Tremblay. Merci beaucoup, Sylvain Godreau. Vous restez avec nous quand même. Oui, parfait. Génial. Merci énormément, Sylvain Godreau. Jean-Sébastien Girard. Oui. Est-ce qu'il y a des anniversaires à célébrer cette semaine? Oui, beaucoup d'anniversaires. C'est tout vrai? D'abord, on invite les gens à être extrêmement prudents sur les routes ce soir, car c'est l'anniversaire de Éric Lapointe. Oui, Éric Lapointe qui est balance et son signe chinois, c'est coq, ouais. Puisque son année de naissance, c'est 1969. Également, un autre chez qui le party va pogner ce soir, ouais, c'est ouais. Stéphane Dion qui célèbre son 59e anniversaire aujourd'hui. Et mon Dieu! Déjà! Êtes... Ben, hein? Ouais, non, hein? Non, non, mais, allez. Non, non, mais c'est 59 ans, c'est fou quand même. Oui, quand on y parle, alors hein. Voilà. Mais j'y vais, je suis invité. On y en donnerait 70 des fois. Je suis invité, hein. C'est un thé de le 7 à 6. C'est chinois de M. Ouais. Dion et Chèvre, puisque son année de naissance est 1955. Mais ben, ça me surprend pas, ce Jean-Sébastien. Moi non plus. Non, franchement. Et vous savez, ça nous amène où, ça, hein, ces anniversaires-là, comme non. À chaque semaine? Ben oui, à notre quiz. C'est le moment préféré de Jean-Sébastien, c'est ce quiz oui. Où on peut... C'est un petit jeu, en fait, qui nous fait poser cette question éternelle quand on parle de notre bonne vieille télé. Coudonc, cette actrice-là, es-tu morte ou est-tu vivante? Ouais. Ben oui, cette semaine, trois questions pour vous et pour, évidemment, tous les gens autour de la table et les gens dans la salle. Trois questions, ce sont trois extraits. Les deux premiers, ce sont des comédiennes. On se demande le nom de cette personnalité, le personnage joué dans cet extrait, s'il y a lieu. Et évidemment... Là, cette personnalité-là est morte ou vivante? Et le troisième extrait, c'est le thème d'une série télé qui a marqué la télévision québécoise. Tout le monde joue, OK? Alors, vous êtes... évidemment, Mehdi, c'est des téléromans de 1960. Il y a seulement les vieilles personnes que sont Jean-Sébastien Girard et Fred Savard qui sont capables d'y répondre. Mais quand même, vous pouvez jouer à ça si vous voulez. Hein? Ah, je vais essayer. OK, parfait. Alors, on teste les déclencheurs pour tout le monde. Olivier? Pouette. Bah, franchement. Ben, Jean-Sébastien? Je m'en servirai pas. Hey, hey! OK, Mehdi? J'ai déjà vu La Petite Vie. Un des bons déclencheurs. Sylvain? Nation. Ah bon? Et les gens dans le public? Bon, c'est un peu mélangé, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Alors, le premier extrait, vous l'écoutez très bien. Si vous connaissez la réponse, vous répondez immédiatement. Alors, on cherche cette première comédienne. On écoute l'extrait. Sophie, c'est maman. Ton père et moi, on vient de lire le journal. Ma fille qui est danseuse, j'ai tellement honte. Je t'ai pas élevé à monter sur les comptoirs, encore moins sur Jean-Sébastien Girard. C'est Clément, Clément, c'est Madame Clément qui joue dans Albertine en 5 temps, oui, qui joue dans l'Héritage. C'est Sophie Clément. Sophie Clément, c'est ça. Mon Dieu, mais c'est des gens qui sont extraordinaires. Vous vous rappelez de Sophie Clément, hein? Oui. Évidemment, dans cet extrait-là, elle jouait dans quelle télésérie? L'Héritage? Non, ce n'est pas dans L'Héritage. C'est beaucoup plus récent. L'Héritage 2. Virginie? L'Héritage 2, mais dites-vous... Non, c'est une bonne... C'est intéressant, mais il n'y a pas eu d'Héritage 2. Mais, c'est dans Catherine. Vous vous souvenez de Catherine, quand même? Elle a oui, joué dans Catherine. Sylvie Moreau, elle faisait quoi comme personnage? Ben, elle faisait Michel Gaucher. Une voisine, sûrement. La voisine du dessous. Et on peut se poser la question, est-ce que Sophie Clément est morte ou vivante? Heureusement, toujours elle est, vivante. Elle est vivante, évidemment. Ouais. Vous vous souvenez quand même de Sophie Clément qui a joué dans À plein temps, qui a joué Manon, qui a joué dans La Clé des Champs, dans La Maison des Chênes. Oui. Vous savez, c'est très dur de trouver des extraits de La Maison des Chênes. J'essaie de jouer avec La Maison des Chênes. Dans À plein temps, elle s'est fait poser un visage en bois. Hein? Est-ce que c'est vrai, pour ça? Pour avoir le rôle. Mais non. Ah, mais c'est tombé niaiseux. Elle avait des marionnettes en bois. Mais franchement, c'est tombé niaiseux, ça. Elle a joué dans Virginie, évidemment, et dans Boogie Woogie 47-46. Ah, oui. Une des séries avec préférées. Avec Villedo, oui. Est-ce qu'il y a des gens... Sylvain, est-ce que vous connaissez ça, tous ces téléromans-là? Ben, quelques-uns d'entre eux, mais pas tous. Je suis vraiment pas téléphile. Oui. Oui. Hey, ça, c'est mon coin de pays également. Mais, coin de pays. Elle était barrée à Télé-Québec. Hein. Ouais, on la tournait comme ça. Là. Et on n'a que la télé au Saguenay. HS, je pense. Ouais. Okay, je voudrais juste dire que j'ai googlé Sophie Clément et c'est juste des photos de Suzanne Clément. Ça. L'Internet a ses limites. Merci, Olivier Niquet, de votre rapport. La deuxième question. Alors, il y a un point pour Jean-Sébastien. Merci. La deuxième question, on écoute l'extrait. Je te demande pas ton opinion là-dessus. Va plutôt dire à ceux qui sont dans la maison que je veux leur parler. Écoute, Myriam... Depuis hier, je peux intéresser à t'entendre. Je pense pas que je vais l'être de sitôt non plus. Jean-Sébastien Girard? C'est Nathalie Gascon dans L'Héritage! C'est une bonne réponse! Ouais! Jean-Sébastien, vous faites... Oui, à quelque part, c'est impressionnant, mais en même temps, vous faites pitié. Non, mais... Non, mais c'est un peu ça qui se passe même. On parlait de L'Héritage un peu plus tôt. Oui, absolument. Nathalie Gascon. Myriam Galarno. Effectivement. Qui avait couché avec son père. Est-ce que c'est ça? Je me rappelle plus. Ben, elle avait couché, elle avait été, elle avait été abusée. Ben, c'est ça. Elle avait mis au monde un enfant qui était le fils de son père. Donc, le grand-père. Une histoire d'inceste épouvantable. Mais il n'y en a plus de séries comme ça à la télé. Malheureusement, hein? On ne parle plus de ces belles relations. Mon Dieu, c'est gênant. Oh, Seigneur. Évidemment, on le sait très bien, Nathalie Gascon est une actrice vivante. Mais non, mais franchement, il faut le dire quand même. Oui. La dernière question, là, ça vous concerne un peu plus, là, parce qu'évidemment, il va y avoir des... C'est un thème de série télé. Oui. Vous allez la connaître, cette série télé-là. Et je veux que vous criez très fort, si vous le savez. On écoute l'extrait. Allez! Ah. Non, je vous donne plus le droit de répondre, Sébastien. Ah non, mais c'est rempli de place. C'est à plein temps. C'est à plein ouais. temps. Oui, évidemment, c'est à plein temps. Bravo, Fred Savard. Je suis désolé, Jean-Sébastien, ça devient trop... Et pour les plus jeunes, il faut se rappeler ce concept-là. Est-ce que vous savez c'est quoi à plein temps? Qui était issu de gens qui fumaient, pas de la marijuana, du LSD. C'était des comédiens mélangés avec des marionnettes en bois, pour vrai. Ah oui. Il y avait Claude Préjean qui avait deux enfants, dont une marionnette. Oui. Mais c'est assez spécial. Il y a Jules aussi qui avait deux marionnettes comme enfant, je pense. Oui. Madame mais c'est Bourrette, c'est complètement débile, cette c'est série-là. C'est complètement débile, J'ai regardé des extraits de cette série-là et allez voir à plein temps sur YouTube, il y a quelques extraits. Je sais pas d'où ça vient, cette idée d'avoir des vrais acteurs, des vrais comédiens et des marionnettes. Je sais pas. L'UDA était pas très content. L'Union des artistes. Ah ouais, c'est ça qui se passe. Non, mais c'est complètement débile parce que quand on remarque les comédiens, il y a des comédiens qui jouaient donc les marionnettes, mais il y a des gens qui faisaient la voix de ces marionnettes-là. Oui. Je sais pas comment ça se passait sur un plateau télé quand t'enregistrais avec une marionnette avec une face en bois. Ben que ça sentait le brandy continuellement. C'est très niaiseux. Mais il y a plusieurs de nos grands comédiens qui ont joué dans À plein temps, effectivement. Et ça a été diffusé à Télé-Québec et à Radio-Canada également. Et ça se faisait beaucoup à l'époque. Radio-Canada et Radio-Québec diffusaient la même chose. Partagé, puis tout à fait. Ouais, ben, une émission avec des marionnettes et des humains. Oui. Ouais, c'est sûr. Ça, ils ont fait ça aux États-Unis. Ça a trop beau marché. Là. Ça s'appelait les mopettes. Les mopettes. Ouais, ah, j'avoue que dit comme ça, j'ai de l'air un petit peu niaiseux. Comment ça s'appelait? Il y a eu un talk show à Radio-Canada aussi. Frais des compagnies. Ouais. Ça a duré un épisode. Pour vrai. C'est vrai? Un talk show d'été. Vous savez qu'il y a un talk show qui risque de durer un épisode? Non, je ne dirai pas. OK! On va aller écouter un peu d'histoire. Tout le monde. Histoire pour les Y. Avec le professeur Frédéric Savard. Ah boy. Monsieur le député et Mehdi, vous risquez d'en apprendre beaucoup parce que professeur Savard, cette semaine, nous raconte l'histoire du burlesque cette semaine. Ben, moi-même, j'en ai appris beaucoup parce que ça fait quand même un petit bout et je pense que ça vaut la peine parce que Monsieur Latulippe, qui nous a quittés, était le dernier représentant de l'humour burlesque qui remonte à la fin du 19e siècle, comme le cinéma, vous vous rappelez, Jean-Philippe? C'est-à-dire? Les premiers spectacles au Québec, on se sont apparus de burlesque à la fin du 19e siècle. C'était des troupes américaines, là, il ne faut pas l'oublier. Hein? C'est des troupes américaines qui venaient jouer ici. Il n'y avait pas de burlesque fait par des gens d'ici encore. Du Québec, non? Tout est en anglais. Ah! Totalement. Alors, on entend par humour burlesque celui de la tradition américaine par opposition au vaudeville français, qui à l'époque n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Quand on apprend que Nicolas Sarkozy veut se présenter aux présidentielles françaises, on parle de vaudeville assez achevé, merci, contrairement à Sarko qui ne l'est pas encore. Donc, le burlesque américain a la cote grâce à ses spectacles mélangeant des numéros de cirque, des chansons, des scénettes dramatiques et des sketchs comiques. Ah, vous savez, ça me fait penser à l'émission de Christian Bégin, là. Comment ça s'appelait, la Télé-Québec? Hey boy, OK. Tiré du slapstick et de la Comédia dell'arte. Donc, très physique, pas de texte, des canevas. On se base sur le jeu des comédiens, leur jeu physique. Ouais. Et autre caractéristique des spectacles burlesques, la ligne de filles. Est-ce que vous savez ce qu'est la ligne de filles? La ligne de filles, vous voulez dire des danseuses? Des danseuses qui, entre les sketchs, se tenaient bras-dessus. Ça nous manque, ça. Pas tellement, non. OK, d'accord. Et avaient l'habitude d'émoustiller les spectateurs par des danses folichonnes entre deux sketchs. Une des compagnies américaines les plus prisées est la Columbia Circuit, qui donnera d'abord des représentations seulement à Montréal et à Québec, parce que les autres villes au Québec, à la fin du 19e siècle, n'avaient pas de salle pour accueillir spectacles de burlesque. À Montréal, les salles de l'époque portent des noms comme le Princess, le Majestic, le Gaiety. Connaissez-vous le Gaiety? Grande salle mythique où performait Lily Saint-Cyr. Ah ben oui, la célèbre effeuilleuse. Qui a contourné la loi parce qu'on n'avait pas le droit de faire des striptease à Montréal. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle arrivait complètement nue et s'habillait sur scène. Pour vrai? Et c'est sa façon de contourner la loi. Tout à fait. Ah ouais, mon Dieu, c'est génial. Alors, c'est une autre Lily qui aimait bien se dévêtir. Puis elle donnait de l'argent aux gens. Oui. Les vedettes burlesques américaines de l'époque s'appellent Billy Beef Trust de Watson et Bozo Snyder. Des grandes vedettes, vraiment. Bozo Snyder, peut-être un lointain cousin de Julie Schneider, elle-même assez bozo, il paraît. À partir Franchement! Mais c'est ce qu'on m'a dit, vous me l'avez dit. Mais j'ai jamais dit ça! Mais c'est dégueulasse! Alors, à partir du 20e siècle, des comédiens étrangers vont s'installer à Montréal et vont commencer le burlesque d'ici, mais ça se passe tout en anglais. Juste vous dire, petite parenthèse, il faut pas parler mal de Julie Snyder avec un membre du PQ parce qu'on le sait très bien. Je ne répète pas ce qu'on dit. Donc, les spectacles sont en anglais, les compagnies de spectacles viennent des États-Unis, comme je l'ai dit, et les propriétaires de salles montréalais Est-ce qu'ils sont américains aussi? Ils sont anglophones. Alors, ils exigent que les spectacles soient anglophones. Mais petit à petit, on se rend compte que les spectateurs sont francophones. Arrête les libéraux de M. Couillard seraient tellement heureux de vivre à cette époque. Eux qui manient le burlesque de Bain de Mer, Yves Bolduc serait une très grande vedette. Alors, c'est Olivier Guimont-Père et sa troupe qui, en 1920, vont être les premiers à faire du burlesque en français au Québec. Olivier Guimont-Père, évidemment, le père d'Olivier Guimont-Fils, qu'on parlera plus tard. C'est pas obligatoire. Je parle à des Grecs, ne l'oubliez pas. Depuis les années 20, le théâtre dit sérieux, abondamment subventionné, n'intéresse qu'une minorité parmi l'élite. Et ouais. Le burlesque a la faveur partout, dans les classes populaires, entre autres. Le Théâtre national, qui est une institution à Montréal, va se convertir au burlesque et va inaugurer l'âge d'or du burlesque. Là, on est à la fin des années 20. La crise économique de 1929 va forcer le burlesque à innover pour attirer les foules, évidemment, qui n'ont plus les moyens d'assister au spectacle. Comment ils font? Et le Théâtre national va... être le premier à présenter trois fois semaine les populaires soirées d'épicerie qui consistent à faire tirer des sacs remplis de conserves de canage pendant les entractes, tout à fait. Et les trois autres soirs, on va engager un boucher qui va venir dépecer un quartier de bœuf et on va faire tirer les morceaux. Ben non! Totalement, oui, c'est ça qui est arrivé. On devrait faire ça encore. On devrait faire ben ça. Oui, je rêverais de lancer des rognons. Alors, les comédiens victimes aussi de la grande crise doivent jouer 7 jours sur 7 pour des salaires de misère. Peut-on imaginer une époque où les humoristes travaillaient plus de 50 jours et gagnaient moins de 400 000 $, Jean-Philippe? Et mon Dieu! Ça arrivait dans le burlesque. C'est dégueulasse. Ouais, c'est déjà arrivé. Et pourquoi les clés du succès du burlesque, c'était pas compliqué, c'est que c'était sans prétention, premièrement, mais très révolutionnaire d'une certaine façon, parce qu'on mettait en scène des petites gens qui triomphait toujours des bien-pensants. On y parlait de sexe, les besoins naturels, les femmes ont des rôles très actifs et sont loin des stéréotypes de la société patriarcale mise de l'avant par le clergé. Le burlesque est moderne, dans le fond, à l'époque. Est-ce et c'est que c'est ça vrai, qui plaît? Ben, tout à fait. Ben oui. Un exemple, 1936, ouais. Le Théâtre national offre pour sa saison estivale le poste de direction artistique à Rose Ouellette, dit Lapoune. Ah, mon Lapoune, Dieu! Lapoune, première femme à diriger un théâtre au Québec. Et on n'en parle pas beaucoup. On est en quelle année, Rabbi? En 1936. Mais mon Dieu, oui. Il y a des... Évidemment, les femmes applaudissent. Elle va conserver son poste de direction jusqu'en 1953 et on la renouvelait aux 10 semaines. Mon Dieu! Elle a engagé tous les comédiens du burlesque qui ont été congédiés pendant la crise et ça a été un succès. Le Théâtre national a joué à guichet fermé de 1936 à 1953. Est-ce que son public grâce l'aimait? Rose Ouellette, tout à fait. Et elle aimait son public. Tout à fait, ouais. Et attire des foules de partout à Montréal. Ouais. À l'époque, on dit on fait trois choses quand on vient à Montréal. On visite l'Oratoire Saint-Joseph, le Parc Belmont et les spectacles de la Poune. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de venir à Montréal pour trois choses, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont perdus ou parce qu'ils travaillent à la STM. C'est aussi pendant les années 30 que M. Jean Grimaldi va prendre les comédiens du burlesque et les faire tourner partout au Québec. Jean Grimaldi, qui est le père de Francine Grimaldi. Donc Jean Grimaldi père. Jean Grimaldi, franchement. Excusez-moi. Je me demande si ça vaut la peine de continuer. Ben, moi, je trouve ça tellement intéressant, bon, Fred. Les conditions de tournée sont extrêmement difficiles à l'époque. On est dans les 30 et 40. Les routes ne sont pas terminées. Imaginez en Abitibi. Mon Dieu, Sylvain Gaudreau. Non, mais c'est vrai. J'ai fait des chutes de vélo. Ouais, mon Dieu. Et ça va être les premiers spectacles qui vont se rendre dans ces régions-là. Alors, les gens capotaient ben raide sur les comédiens burlesques. Je comprends. Et il y avait peu de moyens, évidemment. On amenait seulement des affiches, faisaient eux-mêmes leur propre pub. Et c'est les gens sur place qui amenaient le décor. Ça amenait des chaises et des tables. Et la troupe s'entendait avec le curé pour que la salle paroissiale puisse être à leur disposition. Oui. Évidemment, on surveillait les textes. Et ça a fonctionné là, jusqu'au début des années 50. La télévision, malheureusement, va un petit peu mettre fin au burlesque. La maudite. En salle, oui, parce que les gens ne venaient plus au spectacle. Et même qu'on raconte, Juliette Pétry, une grande comédienne, Jean-Sébastien, que vous avez sûrement connu personnellement, absolument, raconte le mercredi soir. Probablement qu'il l'a rencontré dans une de ses visites de Radio-Canada. Le mercredi soir, quand les ploufs étaient diffusés à la télé, les salles étaient vides. Ben oui, totalement. Et le cabaret également fait son apparition à Montréal, entre autres. Et les artistes du burlesque vont aller jouer au cabaret parce que les salaires sont extrêmement payants. C'était la mafia à l'époque qui contrôlait le nightlife montréalais. C'est toujours plus fun. Contrairement aujourd'hui où c'est la mafia qui contrôle le nightlife montréalais. La télévision va également les engager tranquillement, pas vite, mais à Télémétropole seulement. Radio-Canada boudait, évidemment. Pourquoi? Vous n'auriez pas été un grand fan du burlesque parce qu'on disait que c'était vulgaire. D'ailleurs, quand une situation vulgaire, j'adore le vulgaire, se passait, on avait l'habitude de dire ça pue le national à plein nez parce qu'on méprisait vraiment le burlesque. Pour vrai? Tout à fait. Olivier Guimont va être boudé longtemps par Radio-Canada jusqu'à temps qu'il fasse un numéro lors d'un spectacle pour la grève des réalisateurs en 1958. Un spectacle qu'on peut encore trouver à la Grande Bibliothèque qui s'appelle Difficulté temporaire. Et c'était un spectacle bénéfice pour venir en aide aux réalisateurs. Il va faire un spectacle qui, les gens de Radio-Canada vont faire « My God, wow, quel grand talent. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui, hein, pour Radio-Canada. Oui, ça, oui. Ils surprennent à chaque fois quand ils découvrent un grand talent. Oui, il y a encore des spectacles bénéfices. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dire ça, moi? Oui, tout à fait. Okay, et le burlesque va mourir, donc, pendant les années 60, il n'y aura presque rien. Et c'est là que j'ai la tulipe entre en scène. Jean-Sébastien, vous avez même été dans ce haut lieu qui est le Théâtre des variétés. Je suis jamais allé au Théâtre des variétés. Il va racheter un théâtre qui s'appelait le Dominion sur la rue Papineau, qui a été un théâtre de burlesque dans les années 20. Après ça, c'est devenu une salle de cinéma qui s'appelait le Cinéma Figaro. Et c'est même, en 1965, c'était même loué à des témoins de Jéhovah. Et, oui, la fosse d'orchestre servait de bain rituel. Et deux ans plus tard, Gilles Latulippe va acheter ce théâtre-là. Et tout le monde prédit que ça ne fonctionnera pas et fait revivre le burlesque. Et ça, jusque dans les années 2000. Ils vont jouer 7000 représentations. Et Jean-Sébastien, vous êtes allé au Théâtre des variétés. Souvent, vous? Ma mère m'y amenait. J'ai vu un spectacle. Sans votre mère, vous seriez rien. Je serais rien, ouais, évidemment. Non, j'ai vu en 1989. Ou complètement d'autres choses. C'est drôle. Continuez. J'ai vu un spectacle en 1989 qui s'appelait Lâche pas la poune. Et c'est vraiment la vraie tradition de la revue. Des sketchs avec Rose Ouellette, avec Gilles Latulippe, intercalés avec des numéros de Evan Johannes qui chantait avec des Gilda. Gilda, des côtes en paillettes, il chantait Viva Espagnol sur des trames musicales. C'était formidable. Et malheureusement, comme cet humour-là était, comme je disais tantôt, c'est basé sur des canevas, pas de texte, et il n'y a pas de transmission. Alors, il n'y a pas de personne qui a pris la relève du burlesque. Il n'y a personne qui a pris de notes. Personne n'a pris de notes, pas de texte. Alors, probablement que le burlesque est mort avec M. Latulippe, malheureusement. Ben, on le salue, M. Latulippe, quand même. Merci beaucoup. Merci, Fred. C'était très intéressant. Il y a des gens qui rient encore dans la salle. Ben, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va s'évanouir dans pas longtemps. Vous l'entendez pas? Quelle belle transition pour parler de sport, ben Olivier. Oui. Faites vite, parce que mon Dieu, que Fred a été intéressant longtemps. Mais juste avant, je voudrais quand même dire, il y a Julien qui nous écrit sur Facebook. Ben non, mais vous avez été intéressant longtemps. Il va y avoir une réunion après l'émission. Ben parfait, pas de problème, on se voit ça au couteau d'une bière. Allez-y. Il y a Julien qui nous écrit sur Facebook, gros trafic sur la 20 direction Montréal à partir de Sainte-Julie. Ça accélère dès qu'on passe l'immense face de Jean-Philippe Vautier au IKEA de Boucherville. All right, all right! Je voulais en parler parce que j'ai souvent été pris là. Donc, indémontable. Sinon, en ce moment même, le Canadien joue son quatrième match hors concours contre les Capitals de Washington. C'est 0-0. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, là, mais ce serait le fun un but avant la fin de l'émission. Au soccer, l'Impact a perdu hier 2-0 contre le Crew de Columbus. Et si je me fie au bulletin des joueurs de Patrick Leduc dans la presse, il y a des joueurs qui ont été bons puis d'autres moins bons. Il y avait un gala de boxe hier. Stéphane Ouellet a perdu par décision des juges. Je ne sais pas si pire, mais c'est plutôt Arthur Beterbiev qui a fait sensation. Il a mis KO l'ancien champion des poids mi-lourds de la IBF, Tavares Claud, dès le deuxième round, ce qui a coûté cher à Régent Tremblay. Le titre de sa chronique ce matin, c'était « Un brun qui s'envole ». Comme on dit, les bruns s'envolent, mais les écrits restent. Donc, j'ai pu lire Régent pour comprendre qu'il avait parié 100$ avec Jean-Charles Lajoie que Beterbiev allait perdre et on espère qu'il va survivre jusqu'à sa prochaine paye. C'est d'un intérêt la boxe, hein, franchement. Ouais. Ouais. On a parlé, c'était le marathon jus de fruits de Montréal aujourd'hui. C'est l'Américain Ben Bruce qui l'a emporté en 2h22 et 38 secondes, juste devant le Canadien Fred Savard. Sinon... Vendredi, Denis Coderre a demandé à Régis Labeaume s'il allait tweeter pendant les matchs des Nordiques lors de leur retour. Réponse de Labeaume, oui, et ça veut dire que je vais commencer à tweeter dans 3 mois. Il n'en fallait pas plus pour que la capitale nationale commence à capoter bien raide, même que la question sur la page Facebook de Cogeco était la suivante. Même si Labeaume a dit que ce qu'il a dit était une blague, croyez-vous que sa blague était une blague? Bon. OK, c'est un petit peu romancé, mon affaire, là, mais c'est ça que ça voulait dire. Ils s'accrochent vraiment à n'importe quoi, les fans des Nordiques, comme ils se sont accrochés à Sam Ahmad, à qui on a demandé si le gouvernement allait investir dans l'achat d'une franchise pour Québec, et qui a répondu mercredi. S'il y a une occasion que le gouvernement juge est bonne pour les citoyens, pourquoi pas? Donc, mercredi, on paye pour les Nordiques, jeudi? Mais c'est pas vrai que les contribuables, dans l'état actuel des finances publiques, vont être au bâton là-dessus. Là. Oups, jeudi, on paye pas pour les Nordiques. Et vendredi? Et puis, si c'est payant d'avoir une équipe de hockey, bien, moi, je veux que les contribuables fassent de l'argent également. Là. Alors, c'est qu'on va regarder ça de façon également à l'évaluer comme n'importe quelle transaction d'affaires, mais pas dans un premier plan. Comme j'ai dit hier, le contribuable ne sera pas au bâton en premier là-dedans. Ah, bien, vendredi, on paye. Je ne savais pas qu'on pouvait réécrire l'histoire en un si court laps de temps. Quand même, jeudi, c'était le contribuable ne sera pas au bâton là-dedans. Et vendredi, c'était le contribuable ne sera pas au bâton en premier là-dedans. Ça veut dire que pendant que le contribuable va se faire retirer au bâton, Québécois va être en train de voler le deuxième. Ce qui me fait penser quand même. Un petit peu exagéré comme réponse. Non, elle est très bonne. Ce qui me fait penser vous que en fait tellement PKP a écrit sur sa page Facebook qu'il n'était pas d'accord pour que le gouvernement finance une équipe de hockey, sauf une fois au chalet à 400 millions, pourrait-on ajouter. Sinon, on va finir avec ma nouvelle rubrique Toast et Café 2.0. Vous m'avez envoyé des exploits sportifs amateurs. Et là, je vais faire semblant de trouver ça spectaculaire. D'abord, bravo à l'équipe de hockey de philosophie de l'Université de Montréal qui a gagné le dernier tournoi interfacultaire, battant au passage le département d'éducation physique. Ça doit être quand même assez humiliant pour les profs d'éduc de se faire battre par les philosophes. Et comme disait Platon, les hommes ne veulent pas ce qu'ils font, mais ce, en vue de quoi ils font, ce qu'ils font pour la mettre top net. Sinon, il y a Simon qui dit que l'équipe les Crickets Vengeurs ont remporté la Coupe de la Ligue de soccer de la Montérégie grâce à une éclatante victoire de 6-0 hier. Là, avis à tous, j'aimerais savoir des vraies histoires. Là, 6-0 au soccer, ça se peut pas. Et... Non, mais moi, je trouve drôle. Ah, t'es fin. Mais je suis rendu à mon deuxième cidre en même temps. C'est peut-être pour ça. Ça va être... oh, oh mon Dieu, c'est déjà la blague du jour. Mais oui, mais ça va tellement vite, Jean-Sébastien. Ben, voyons donc. Vous savez ce que c'est, ça? Jean-Sébastien, à chaque fois qu'on entend la sirène, raconte sa blague du jour. Mais c'est parce qu'il reste tellement peu de temps. Allez-y, dépêchez-vous. Déjà, alors rapidement, c'est deux femmes qui jouent ensemble dans un resto. La première dit: je suis tellement chanceuse, moi j'ai un mari en or. La deuxième a dit: t'es bien chanceuse, moi j'ai un mari en tôle. C'est pas votre meilleur, hein? Je peux pas croire qu'on termine là-dessus. Au moins, on a des invités à remercier qui sont si gentils. Sylvain Godreau, merci d'être passé ici. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Et Mehdi, énorme, énorme merci pour votre chronique. Plaisir. On se revoit très bientôt. Merci à toute l'équipe. Vous connaissez Marie-Ève Soutière, Marie-Hélène Gauthier, Seb Effet, Philippe Roberge, Martine Hippolyte. Et je vous en prie, revenez nous voir samedi prochain à 17h pour une soirée qui sera encore jeune. Merci tout le monde!